Boy, pas trop fort, Eric. C'est l'épisode 27 du Geek Collectif ce soir. Bravo, André. T'es-tu content? T'as eu un bon départ. J'ai eu un bon départ. Ha ha! One take! On va en profiter. C'est bon. Ça. Salut, Milter! Ça va? Ouais, toi? Oui. Cool. Salut, Eric! Salut, salut! Hey, salut. Épisode 27, c'est pas... Je l'ai pas vu, mais c'est pas le film avec Jim Carrey, là? C'est-tu Number 27? Non, c'est le nombre 23, en 23. Fait. C'est une joke à retardement. C'est une joke à retardement. Réécoutez l'épisode 23, vous allez voir, elle est bonne. On fait des parallèles avec Jim Carrey là-dedans. Oui. Épisode 27 du collectif, ce soir, sujet spécial, rétrospective, 7e génération de consoles. C'est une bonne génération. C'est une très bonne génération. Oui. Mais avant tout, on a une tradition collectif qui perdure depuis 27 épisodes. Qui est, qu'est-ce que vous avez fait de votre temps dans les dernières semaines? Ben, c'est qui commence? Moi, je peux y aller. Vas-y donc. Je peux faire un petit suivi avec les dernières semaines, si on peut dire, en même temps, là, les derniers épisodes. J'ai joué encore à GTA. Je vais pas m'étirer là-dessus, mais... Moi, je suis sûr, on va se rendre en 2014, puis Milter, son actualité, ça va être... J'ai joué à GTA, ouais, mais... puis... Non, mais c'est parce que quand l'online est sorti, il y a eu les petits troubles, nanana, puis là, quand j'ai réussi à me connecter, j'ai joué pendant peut-être une semaine et demie juste online, là. Puis là, je m'y dis, hey, j'ai pas fini le story, là. Je suis pas trop loin de la fin, mais je l'ai pas fini. Fait qu'il faudrait que je me force en enfer, là, parce que j'étais parti dans l'online. Mais t'as-tu fini l'histoire ou... Non, là, c'est ça, là, je suis en train de le finir, j'ai joué encore aujourd'hui, puis je me force à le jouer pas online, au moins avancer mon histoire d'une à deux missions à deux fois. Sans faire spoiler, t'es où, là? Combien de pourcentage du jeu, en fait? Non, ça, il y a pas de spoiler, ça. Mais dans l'histoire, comme t'es où? J'étais à peu près à, je pense, une cinquantaine de missions, début cinquantaine ou fin quarantaine de l'histoire sur 66, que j'ai vu dans les options. Pas dans les options, dans les stats. Puis, c'est ça, là. Disons qu'il y a eu quelque chose avec Michael. Okay, je vais pas dire rien. Puis admettons, là, t'as-tu fait d'autres choses que jouer à GTA? Donne-nous d'autres choses. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Mon autre affaire que je fais, puis c'est encore un genre de suivi avec l'autre semaine, c'est j'avais lu Planet Hulk. Ouais. Puis quand, tu sais, j'avais dit, quand j'ai fini Planet Hulk, à la fin, le dernier petit carré, World War Hulk? To be continued in World War Hulk. Puis j'avais pogné déjà World War Hulk. Je planifiais pas nécessairement aller de suite, mais là, vu que je me dis c'est frais dans ma mémoire, je m'ai lancé dans 40 numéros qui consistent de la série de World War Hulk. Fait que, en gros, j'ai même pas fini. Je suis rendu à peu près mon 36e. Là, il m'en reste 4 BD. Là. Je vais peut-être les finir à soir après le nice. Recording chez nous. Mais en gros, c'est Hulk qui revient avec sa gang de... d'aliens qui sont Brotherhood, là, je me suis mis. Ils sont Warbound, je cherche le mot. Sa gang d'aliens qui le suit. Puis ils viennent se venger. Ils prennent, c'est quoi non, le Yankee Stadium. Puis Hulk, il crée là-dedans un arène de gladiateurs. Puis il force les genres Iron Man contre Fantastic Four, contre Reed Richards à se battre. Des cool. Affaires même. Petit mini spoiler, là, excusez, là, mais c'est assez évident parce qu'il est punk assez vite au début. Là. Mais il leur fait vivre la même affaire que lui il a vécu dans le fond sur l'autre planète. Parce que quand j'avais dit, il est arrivé, il s'est fait emprisonner un peu comme dans le film Gladiator. Puis tout. Fait que, en gros, je suis pas sûr, je prédis une fin. D'après moi, Hulk va retrouver son raisonnement. Quel raisonnement? C'est pas ça que non, mais parce que je me souviens pas si je l'avais dit, mais c'est Hulk intelligent. Tu sais, le Hulk, ouais, il fait ouais, pas ouais, juste ouais, Hulk ouais. Smash, là, pis il pète tout, là. Il le fait des fois, mais en gros, il parle, pis il se perd. Fait que c'est Hercule. Tu sais, c'est Banner. Non, Hercules, il est dans la série, justement, à un moment donné, pis il se bat contre. Attends, Hercule se bat contre Hulk dans la série? Dans World Pourquoi War Hulk. Pas, même? Ben, Hercules, il est dans. je veux pas me tromper, je veux m'en aller dire Heroes for Hire, mais c'est pas Heroes for Hire, c'est un autre gang. En tout cas, il y a Hercules, là, Hercules, le demi-dieu fait, Hercule. Mais il est dans Marvel, tu savais pas? Non. Il est un personnage. Non, André, il n'y a pas de ça va. Mais attends, j'ai oublié le nom. Il ressemble-tu à Kevin Sorbo? Ou... Non, pas du tout. Okay. Il est comme une barbe, puis il a l'air d'un bear. OK, fait qu'il ressemble à Ryan Gosling. C'est un bear homosexuel poilu là, avec une barbe. Là. Mais il est fait que Ryan Gosling, qui faisait Hercule aussi dans un autre télésérie. Non. Imagine le gars dans Home Improvement là, qui faisait Al... en flanelle hein? Avec une barbe. Je m'imagine pas ça quand je pense à Hercule. Moi non plus. Non, mais il y a une bédaine. Imagine sa face. Non, juste sa face, mais musclée. Okay. Ah, mais il a l'air trop gentil. Je pour vais te sa montrer barbe. Une photo tantôt. Je dois en avoir sur mon iPad. Ok, et, merci. Je vais te montrer ça. Tout ça pour dire qu'Hercule c'est dans la série. Mais c'est ça, là, dans le fond, il rencontre plein de super-héros qui l'ont emprisonné. Il y a de quoi qui se passe avec ça. Il y a beaucoup d'histoires de qu'est-ce qui se passe autour qui est intéressant. Fait que c'est comme, puis moi comment que je lis, c'est pas, mettons, j'ai lu en ordre de parution de l'histoire de la série, fait que des fois il peut avoir, mettons, je dis je vais lire, comme j'ai lu à un moment donné les Marvel Zombies, ouais. Mais ça commence, avant d'être écrit Marvel Zombies, en gros il y a 4 numéros genre de Fantastic Four, mm-hmm. qu'il faut que tu lis, puis que c'est comme le début. Puis après, tu peux continuer l'histoire, mais genre, un numéro, c'est dans Spider-Man. C'est après, ça que j'aime c'est des dans trade paperbacks quand après, t'as tout dans... one shot. Là. Mais ça, c'est ça qui est cool pour ça. Puis moi, c'est comme tout pogné en download. Là. Je les ai toutes en ordre par numéro. Fait que je peux suivre le Daredevil. Puis après, je sais que c'est un Venom. Puis après, un Spider-Man. Puis tous les faits qui se passent, même si c'est des crossovers, ça suit. Ça va tout se suivre. Ou être en comment dire ça, en parallèle. À l'histoire, puis qu'à un moment donné, ça se rejoint au bon moment. Fait que ça, j'aime bien ça. Cool, pis, nice. Dans le fond, c'est pas mal juste ça. Là. J'ai lu, puis j'ai joué à GTA. Cool. Toi, Mr. Rick? Ben moi, la semaine passée, on est allé à l'enregistrement de Pas de Problème, là, ouais. Au passage, là, sur Rachel. En passant, je commence à aimer ce petit bar-là, là, de la bonne bière, puis une bonne ambiance. Mais on était assez chanceux d'être avec Pierre-Luc de Trois Bières, puis il nous a montré un jeu que je pensais pas aimer puis que je vous ai lavé dedans, mais c'était Zombie Dice. Ah, celui où ma blonde a perdu puis j'ai dû te payer une bière, là. Ça, c'était la deuxième game, puis c'était ma deuxième la win première, aussi. C'était notre training. Un peu, le premier, c'était le training, ouais, puis j'ai été all-in, puis ça c'était a payé. C'était tutoriel. Puis la deuxième, on jouait pour de vrai, pour une bière, puis j'ai battu ta blonde. Mais j'ai mais payé battu la bière. Tout le monde. J'ai battu tout le monde, mais c'est lui qui a payé la bière. Ouais. Fait que c'était drôle, c'était comme un double whammy. Mais c'est ça, en tout cas, le Pas de Problème, c'était le fun, puis ça, j'ai aimé ça, puis on a eu un... Moi, j'ai été surpris de ce jeu-là, parce que je le voyais des fois dans les magasins, puis j'étais comme, bah, tu sais, c'est un cop avec des dés, là. Quand tu y penses, tu le regardes, tu fais, c'est un cop avec des dés, puis tu fais comme... Non, c'est un achat instantané, cette affaire-là, ouais, c'est vraiment cool. Puis c'est pas cher, mais ça... C'est pas cher, puis c'est excellent... drinking game, là, tu veux boire, là, ça c'est un jeu à gang, là, ça, ouais. Tu vas boire dans ta tabarnak avec ça, puis c'est vraiment le fun. C'est ça, j'ai aimé ça, on a eu le petit ouvre-bouteille aussi de Trois Bières. Mais parlant de Trois Bières en plus, on va leur souhaiter une bonne fête à Trois Bières, là. Ils font de la bonne ouvrage, fait que vous leur souhaiterez via Twitter et Facebook un bonne fête à Trois Bières à ce moment-là. Ils sont sur Tout, eux autres. C'est quoi Tout? C'est comme un autre réseau social, puis je pense que ça a rapport avec la lutte, puis ils niaisaient, puis je pense qu'ils ont gardé comme le réseau, puis ils niaisaient avec ça. Bon, parfait, ça. Voir Pierre-Luc, Yannick, puis qui tombe sur Fred de Pas de Problème, là, il aime toute la lutte. Ah oui, c'est spécial. C'est la lutte, puis c'est cool de les voir aller. Là. À la limite, là, Nick s'entendrait bien avec eux autres. Oui, ouais, exact. Il faudrait qu'ils viennent. Puis à part de ça... je veux dire, GTA Online, c'était le fun pour le but de temps, mais moi je joue à WoW, puis je fais des, en ce moment j'organise des, je fais du PVP pis tout ça, puis j'ai fait ça c'est fait des années. Longtemps, hein? Man, je m'excuse, mais moi, ben, tu sais quoi, j'en parle parce que je fais tout le temps ça, puis j'ai une équipe qu'on est en train d'essayer de pousser dans des rated BGs, puis moi je suis très bien raide dans World of Warcraft, puis on a une bonne gang, là, puis je dis un salut à eux autres. Mais faire du PVP dans WoW, j'aime ça, puis on s'en est pas pire, mais c'est vraiment un autre game, là. Jouer du 10 contre 10 là, à toutes les battlegrounds dans WoW, là, ça te claque dans le cul. Il doit y avoir beaucoup de dots puis de healing. Ah, si tu veux qu'on en parle, je pourrais y aller, mais ça en fait, j'ai utilisé 100% de mon vocabulaire de WoW que je connaissais présentement. More dots ou... Plus de dots. Plus de dots, ouais. Puis du healing. Moi, il y en a un des deux, je comprends pas en partant. C'est quel que tu comprends pas? Healing. Non, dots. Damage over time. Ah, ok, le More dots. Parce que sans ça, tu te ramasses avec moins 50 dragon killing points. Faut que tu fasses tant de points à la seconde de damage. C'est ça. Mais c'est ça, là, on s'amuse à faire ça. En tout cas, si on se plug tout le temps à la fin de nos Twitter, peut-être ça. Je vais sûrement peut-être dire le nom de mon main, mais je cherche tout le temps du monde pour faire du PvP, puis tout le monde peut se rencontrer maintenant. Fait que c'est du monde au Québec. Je vais avoir encore Love It or Hate It. Il y a encore du monde qui joue, puis c'est... J'ai fait plein d'autres choses. J'ai regardé des films, j'étais allé en Ontario, mais ça c'est mes affaires que j'aimerais te parler avec vous autres aujourd'hui. Excellent. C'est bon, ça. Moi, c'est un peu bizarre ce que je vais parler. T'sais. Geek Collectif, les gens nous écoutent, puis ils s'attendent sûrement à... J'ai fait mon level 40... Non, en fait, je suis rendu à 50 avec mon elfe maintenant, si je me fie à l'autre épisode. Là. Tu montes pas vite depuis... Ouais, mais c'est parce que la fin de semaine, je joue pas beaucoup. C'était férié, il y a pas longtemps. Spécifique, c'est pas wow. Là. Ben, c'est ça, c'est pas wow. Mais non, j'ai commencé à aller me promener. J'ai une copine qui a beaucoup d'affection pour des meubles vintage. Puis des affaires rétro un peu. Fait que ces temps-ci, je me promène beaucoup dans les marchés aux puces. Pour des jeux vidéo usagés? Non, parce que ça, les gens n'ont aucune connaissance des jeux vidéo usagés. Il y en a. Ben, ouais, il y en a, mais honnêtement. Ok, il y en a, mais ils connaissent juste pas ça. Non, mais en fait, c'est parce qu'ils pensent te vendre n'importe quoi super cher en disant que c'est rare. Tu sais, j'ai vu des Mario Bros 1 à 30$. Là. Je jouais au hockey dans le temps d'un backstore d'un certain commerce pas, avec des boîtes de Mario Bros 1. Là, bon, même avec une boîte, là, à la limite. Là. Mais pour ces prix-là, on peut demander à Papa Cassette qui nous aide un peu. Là. Mais grosso modo, moi, je me promène dans les marchés aux puces ces temps-ci, puis ma copine attribue beaucoup sur les vieux appareils photos. Fait que, tu sais, cool. Là, on peut trouver des vieilles, des vieilles Konica, des vieilles Minolta, des choses comme ça. Mais elle développe-tu ou je sais pas? Elle développe pas, en fait, parce qu'elles sont pas fonctionnelles, mais elle a fait de la déco avec ça. Okay, puis elle tripe photo. Fait que, tu sais, physiquement, il y en a qui sont fonctionnels, mais les gens, ce que j'ai remarqué, c'est que ça, sont connaissants beaucoup plus que le gars qui essaie de te vendre le Mario Bros. 1 à 30$. Là. Ouais. Mais ils te vendent ça relativement cher, mais. Y a-tu des gars qui en ont genre 8, 9, là? Y en a plein. Ah, y a des tables pleines. Mais les marchés aux puces, là. Ils connaissent son affaire, lui, là. Moi, ces temps-ci, j'écoutais beaucoup une série à A&E qui s'appelle Storage Wars. Tu sais, puis là, eux autres, ils font la guerre. Je sais pas c'est quoi en français, mais regarde, il y a des. La guerre des enchères. La guerre des enchères, OK? Puis là, eux autres, ils vont mettre des gageurs, puis ils font comme un encan pour un. Un locker qui a plein de vieilleries là-dedans. Genre Antique Roadshow, mais fait aux États-Unis. Ben, c'est ça. Mais regarde, là, j'arrive au marché aux puces. Puis là, premièrement, marché aux puces, t'as deux sections. T'as la section où tu peux t'acheter des lunettes aux clés pas chères, des fausses ribbons, puis du parfum de danseuse. Mais tu parles pas trop cher. T'as en dedans, puis dehors. Ben, en fait, j'ai aimé qu'est-ce qu'il y a mis. C'est où t'es allé? C'est quel? Moi, j'étais allé à Saint-Eustache. Ah, c'est ça. Saint-Eustache. J'ai fait la chute aussi. La chute, c'est le mardi que j'ai déjà fait ça. Puis ça, je l'ai fait cet été, par exemple, pendant mes vacances. Puis là, t'arrives le mardi à la chute, puis c'est le Farmer's Market de la chute. Oh. Là, t'as du stock là, écœurant de genre... Moi, j'ai une maison ancestrale à la chute, puis là, je vends mon vieux stock. Fait que t'arrives, puis le gars, il y a un enclume, puis une vieille cantaine pour l'essence, puis je sais pas trop quoi. Mais Saint-Eustache, OK? T'arrives là-bas, puis là, c'est ça. T'as les tables avec les fausses aux clés, les fausses Ray-Ban. Puis le vieux stock. Puis après ça, t'as des tables avec n'importe quoi. Mais moi, dans le fond, c'est t'as les tables du monde qui sont tout le temps là, qui vendent leurs lunettes, puis leurs chandails, puis leurs affaires. Puis t'as les tables du monde comme toi puis moi qui décident de se pogner une table un peu plus loin. Puis le gars, il est jamais. La grosse vente de garage. Ouais, c'est ça. Là. Mais moi, ce qui m'a fait capoter avec ça. Ben, non seulement ça vaut la peine, parce que si tu veux, regarde, elle a fait de la déco, puis c'est vraiment beau de la manière qu'elle décore ça chez eux. Puis. Elle achète des trucs de même au marché aux puces. Mais moi, ce qui me fait capoter, puis où je veux en venir avec ça, c'est la capacité de négocier de ces gens-là qui est bizarre. Tu sais, t'arrives, puis là, mettons, « Ah, excuse, ça, c'est combien? »« 60$. »« Ouais, ben que trop cher. »« OK, 40? »« Ben que trop cher. » Puis là, tu t'en reviens d'abord. Puis mon père, c'est le king là-dedans. C'est comme, « Ouais, non, merci. » Il s'en revient d'abord, puis il parle même pas. Il fait juste laisser l'item-là, il s'en revient d'abord, puis il s'en va. Puis... Moi, dans le temps, je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, on allait au marché aux puces, puis il fallait négocier. À cette heure, là, ça sent le désespoir là-dedans. T'arrives à côté du kiosque, puis combien? 60? Ah non, 40? Non. Combien tu veux payer? Ben, 20$. OK, vendu. Comment tu fais pour passer de 60 à 20? C'est quoi ton barème? Il s'essaye, puis c'est comme, ben, let's go. Ah, oh, bon, ben, à la limite, j'aurais eu 20$. Vite de même, c'est weird, là, mais... Comme gars qui travaille dans les ventes au détail, merci pour cet entraînement-là. Il n'y a rien de mieux que d'aller avec quelqu'un dans mon lieu de travail qui dit, tu peux faire un meilleur prix. Non. Mais c'est incroyable, là. Fait que t'arrives là, puis tu peux négocier tout. T'as du monde opportuniste. T'as du monde dégueulasse. Comme... Mon père, un moment donné, il avait besoin de des vis pour réparer je sais pas trop quoi. Tu sais, c'est des affaires qu'ils vendent chez BMR, chez Rona ou peu importe, le Patrick Morin. Là, pis... Mais le gars, il vendait ça 5$ les vis. La vis. Hein. C'est 5$ un paquet de vis. Mais t'as du monde que, vu que c'est un marché aux puces, ils se disent, c'est un deal. M'a l'acheter. Ouais. C'est pas cher. Fait que tu sais, moi, j'ai découvert ce monde-là, je suis rentré là-dedans, j'ai fait, hey my God, c'est... C'est quelque chose. Ben, il y a des places que... Allez faire le tour. Tu sais, là, il y a comme une mode, là, un peu. Là, le monde va dans les friperies, il achète du linge, puis des vieilles affaires. Aller dans les marchés aux puces, j'aime ça, c'est là. Cool. J'y allais tout le temps avec mon père avant, puis là, ma blonde, elle aille ça. Elle dit, ah, je veux pas le vieux stock dégueulasse de personne. Ben, c'est sûr que, tu sais, je m'achèterais peut-être pas du linge usagé. Non, c'est ça. Mais par contre, tu sais, garde un vieux fauteuil, un vieux bureau, quelque chose. Il y a il y a du beau stock, tu sais. Fait que ça vaut la peine. Mis à part ça, ben, c'était comique, moi, avec. Là, j'ai commencé à lire. Là, il y a beaucoup de vente sur Comixology ces temps-ci, qui est une super application pour les gens qui ont des tablettes. Je vous le recommande fortement. J'ai acheté Revival de Tim Seeley puis Mike Norton, qui est incroyable. C'est une série complète, t'as acheté? C'est, ou des, juste, ben, c'est des recueils, dans le fond, de certains volumes. Dans le fond, c'est une petite ville. Il y a les gens qui meurent, mais qui reviennent à la vie à ce moment-là. Oh. Fait que ça, c'était quand même cool. Ça faisait un peu différent. je me suis procuré Batman Beyond, mais version 2013. Sur Comixology aussi. Sur Comixology, j'ai les Ninja Turtles, les nouvelles versions. Deadpool Kills the Marvel Universe, qui est en vente il n'y a pas longtemps. Ça, c'était écœurant. Mais il y a plusieurs séries. Là, mais là, c'était le recueil ça de Deadpool Kills the Marvel Universe. Ok, là, mais après, comme tout ensemble, c'est là. Quoi? C'est Deadpool Kills Deadpool, genre, ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, exactement. Là. Mais hey, pendant que tu es sur le sujet, je veux te demander de quoi? Ouais. Parce que c'était quelque chose que je voulais me procurer bientôt, vu que je lis beaucoup de comics ces temps-ci, puis... Un sur ma liste là, qui me... Je me souviens même plus pourquoi que j'ai été tenté. C'est qui m'a mis là-dedans. Là. Mais je pense que c'est Wintermute en écoutant Entre les cases, en tout cas. Là. Probablement. Là. Qui mais, est de retour, je ouais, pense. C'était quoi? La semaine passée là, qui était ben, de retour. Ouais, en tout cas, ouais, semaine passée. Là, c'était mon dernier podcast que j'ai écouté avant que mon iPhone meure. Oh! Mais, RIP! En tout cas, ouais. Mais je voulais commencer Ninja Turtles, peut-être. Mais... À partir de où qu'il faut que je le commence? Sais-tu, y a-tu des noms tirés particuliers? Tu sais, pas lire du cartoon stuff de kids, si on peut dire? Ben, en fait, ils ont refait les originaux de okay. Eastman and Laird, qu'ils ont refait. Donc, IDW les ont actualisés. C'est un peu plus facile d'embarquer dedans. Moi, personnellement, qui est un gros puriste de Ninja Turtle, j'ai vraiment apprécié ça. Mais à combien d'échoues y es-tu? Présentement, tu vois, je pense que c'est le 26e ou le 27e qui vient de sortir. Par contre, tu vois, sur Comixology, tu as les recueils. Il y a 5 recueils présentement qui regroupent ensemble. Pis sont... Quand je les ai achetés, ils étaient 7,99 chaque. Oh, c'est pas trop ce qui est quand même pas si pire que ça, tu sais. Puis là, j'attends justement que le prochain recueil sorte parce que sinon, individuel, ils sont 2,99 ou 3,99. Ouais, ouais. Là, c'est rendu un peu. Là, je me suis spoilé un peu en regardant, mais t'as Leonardo avec le clan de la savate. Ouais, puis mais les c'est affaires ça qui me dit. T'as Karai, puis. Mais moi, je te dirais pour commencer, c'est t'as des short stories de Ninja Turtle. T'as les Teenage Mutant Ninja Turtle micro-series. Que moi, je commencerais par ça. Que j'ai acheté également sur Comixology. On va penser qu'on a des actions là-dedans, mais c'est juste que c'est cool. Tu peux t'acheter des bandes dessinées en ligne. Puis tu peux les lire sur n'importe quelle plateforme. Mais les short stories comme ça, c'est toutes des micro-histoires qui vont faire des apparitions dans le main story des Ninja Turtles. Fait que moi, je commencerais par ça. Puis ensuite, je me prendrais justement les nouveaux recueils à ce moment-là. Mais ça vaut la peine. C'est vraiment cool. C'est actualisé. Puis, gars, Ninja Turtles, c'est toujours aussi bon, là. Ben, moi, j'y connais plus en tant que cartoon niaiseux, un peu, si on peut dire. Fait que je me dis, ça va être différent, là. Ben, c'est pour ça, ça me tente de... Parce que ma prochaine affaire, en finissant Hulk, après, c'est Invincible, du gars de Robert Kirkman. Oui, ça a l'air là. Super bon, ça. J'ai pogné je pense que j'ai les 16 trade paperback que j'ai eu dernièrement, là, les 50 premiers numéros, si on peut dire. Fait que je vais me mettre à aller ça. Mais mon prochain, c'était Teenage Mutant Ninja Turtles, mais je savais plus d'où commencer. T'sais, si tu me dis, il y en a 300, puis commence à partir de là. Non, le meilleur, c'est que tu commences par le premier. Ouais, ben c'est puis ça. C'est 27, tu diriges vers le 26. Là. Mais pogne justement les regroupements. Tu vas économiser ouais. avec ça. Puis c'est quand même le fun. T'sais, tu starts ça. Puis moi, ce que je déteste un peu, puis je les lis digital présentement, mes comics. C'est sûr que j'aime ça en avoir des physiques. Mais je m'en sers plus à l'aspect décoratif. Ouais. Je les mets dans des cadres. C'est l'histoire. Moi aussi, mais justement, c'est si fait digital, ben quand c'est regroupé, c'est que tu n'arrives pas et tu es obligé de fermer un fichier, ouvrir un autre, fermer un fichier. Ouais. Ils sont tous ensemble, tu t'en lis une bonne traite. Il y a beaucoup de textes, étonnamment, dans ces bandes dessinées-là, les Ninja Turtles, il y a beaucoup de textes à l'intérieur. C'est ça qui est le fun. Puis ils ont des twists un peu actuels, sans te faire de spoilers, mettons, mais Casey Jones, il arrive un petit twist, des affaires de même. C'est bien, là. Pour les gens qui écoutent, c'est ça. Comixology, je vais vous le recommander pour les gens qui vont avoir une plateforme Android. Y a-t-il disponible sur Android? Je pense que... Moi, je m'en sers sur mon iPad, idée. En tout cas. Il va l'être, éventuellement. C'est sûr qu'il va l'être s'il ne l'est pas déjà. S'il l'est déjà, ben vous me traiterez de cave dans vos tweets. Mais à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de sortes de bandes dessinées que la première est gratuite. Fait qu'il vous donne ça... C'est comme le gars qui vous donne un échantillon de crack puis il fait « Non, c'est correct, tu seras pas accro. Il n'y en a pas de problème, essaye ça, c'est un bon trip. » Puis après ça, t'embarques puis justement, toutes les autres BD, tu sais, t'en as 99 sous, il y a des ventes à tous les jours là-dessus, il y a toujours quelque chose de nouveau. Puis ce que j'aime de Comixology, c'est qu'il y a beaucoup d'indépendants. Il n'y a pas juste des comics de Marvel et DC, il y a des affaires de, des compagnies qui pognent peut-être un peu moins puis avec des gens qui sont peut-être un peu moins connus puis ça vaut la peine de les essayer. C'est ça qui s'est passé cette semaine, honnêtement. C'était des BD, du marché aux puces, puis bien de la négociation à ce moment-là. Fait que c'est pas mal. Tu peux trouver bien des BD au marché aux puces. Il y a des BD. Quand j'étais jeune, je m'achetais là-bas des fois des petites affaires. Des petites mais petit shout-out au film Mallrats. Parce ils vont dans le marché aux puces à un moment donné là-dedans, puis l'autre il regarde, puis il dit hey, maudit sauvage, mets donc des cartons avec tes bandes dessinées, tes maltraites, puis c'est vraiment le même. J'étais au marché aux puces, puis le gars il y a des BD, puis tu sais, mettons un volume. Original de Death of Superman, la page d'en avant d'arraché, parce que dans le temps, dans les tabagies, dans les librairies, c'était le seul moyen pour eux autres de se faire rembourser parce que les bandes dessinées puis les livres, c'était des ventes garanties pour les magazines. Fait que bien souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrachaient la page d'en avant, puis ils l'envoyaient à ce moment-là aux représentants, puis ils se faisaient rembourser les unités qu'ils n'avaient pas vendues. Mais eux autres, ils gardaient ces BD-là, puis ils vendaient à 50%. Tu viens de me faire réaliser pourquoi est-ce que le chum de ma marraine, quand j'étais petit, qui travaillait dans un magasin de livres, m'arrivait toujours avec un panier plein de livres, pas de couverts. Ben c'est ça, ben exactement. Parce que lui, d'un, il s'est tout fait rembourser, parce qu'ils n'avaient pas vendu. Puis lui, il t'es amené, puis il t'es donné, tu sais. Mais ça, dans les marchés aux puces, là, t'en as un paquet de même. Mais il envoyait juste le couvert pour se faire rembourser. Ouais, exactement, eux autres. Parce que c'était le cas du PC. Le cas du PC, c'était la preuve d'achat, fait qu'il se faisait rembourser les comme ça. Les journaux, c'était t'sais. Pareil. Ouais, exactement. J'aimerais ça faire ça avec le livre d'un jeu vidéo, là. Tu sais, tu envoies le livre du jeu vidéo, là, vente garantie. Hey, oublie ça tantôt. Le pire, c'est que je faisais une vente de garage cet après-midi à la maison, puis j'ai passé mes vieux strategy guides de jeux vidéo, puis. Tu sais, le gars, il arrive, puis il regarde ça, puis j'avais des affaires comme, mettons, Oblivion, j'avais Final Fantasy XII, j'avais des affaires de même, t'inquiète. Puis j'ai été tellement cave, là. Le gars, il dit, combien tu vends ça? Bah, une pièce chaque. Tu me niaises. Le gars, il a tout pris ça. Une pièce chaque. Il a vidé la pile au complet. You were that guy. Mais moi, ça a vraiment fait, regarde, je veux m'en débarrasser, je les aurais soumis au vidange. Puis tu sais, c'est comme, t'as ma mère qui me regarde, qui a aucune connaissance de jeux vidéo, puis qui fait... Pourquoi t'as vendu ça une pièce? My God. Je vous aurais vendu 5 pièces chaque. Ouais. L'histoire stéréotypique, c'est ta mère qui fait ça quand t'es pas là. C'est toi qui l'as fait, hein? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ah, oh, mais moi, je n'avais plus besoin. Hey, ça, c'était d'une vieille commode que je voulais vendre à la 10 vente de garage. Non, c'est pas quelque chose qui va valoir beaucoup. Il va être chanceux s'il peut vendre ça pour moi, 5-10 pièces chaque là, dans le prochain 20 ans. Ben, je l'ai gardé une couple. J'ai gardé toutes mes Resident Evil, Kingdom Hearts, puis des affaires à main. J'ai tout gardé. Les Zelda jusqu'au Nintendo 64. Non, au GameCube, j'ai Wind Waker aussi, je les ai toutes. Puis j'ai 3 gros livres de GTA, quasiment un pouce d'épais chaque, parce que tellement qu'il y a des missions. Mais j'ai pensé à toi, parce que je n'ai mis un en pile, puis je vais checker si je l'ai encore demain, je vais te le ramener, mais j'avais Dead Rising là. Ah, je le veux si tu veux. Si je ne l'ai pas vendu à une pièce comme un épais, je vais te le ramener. Ben, je le veux, parce que je voulais les acheter, puis quand j'étais arrivé pour acheter le premier, il n'y en avait plus, puis j'ai fait un peu la même gaffe avec GTA, j'étais allé au Microplay, j'ai vu le livre, j'ai fait 20$. Je vais l'acheter la semaine prochaine quand je vais repasser. Puis je suis revenu la semaine prochaine. Puis c'était genre un mur plein de je me souviens plus quel mot du jeu qui a plus rapport. Ben, le problème là-dedans, c'est que tu sais, c'est justement, ils en font plus beaucoup parce que les ventes ont droppé de guides de stratégie. Ben, justement, sauf je me disais, personne va l'acheter. Tout le monde dit tout le temps, ouais, on m'a trouvé sur Internet comment faire. Puis non. Moi, personnellement, là, puis je vais démystifier quelque chose. Oui, tu peux le trouver sur Internet quoi faire. Mais c'est pas le fun d'aller sur GameFAQs. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas rien. Les Game Guides de GameFAQs, c'est un art avec le Axie. C'est un bel art, puis je respecte ça, sauf qu'il n'y a pas rien de plus beau que j'ouvre le livre à page 25, la map détaillée, l'image, le artwork, puis tu te la quittes. Oui, OK, gars, c'est peut-être un déboursé avec le jeu, mais c'est le fun. C'est pour la collection, puis moi, j'essayais de pas le prendre, puis je l'utilisais plus pour des objets genre Grand Theft Auto. Comme San Andreas, j'ai le livre, ou les 4, les pigeons, tu sais, des affaires, les 50 pigeons qu'il faut que tu tues, trouver les 58 dans le fond de l'eau, ou de quoi de même, là. Ouais. Mais sinon, j'essaie pas qu'ils me disent comment faire la mission, là, c'est des spoilers, puis tu sais qui meurt quand, puis quoi, puis tu vas le tuer, t'es comme moi. Donc, cette semaine, rétrospective de la 7e génération de consoles, donc on parle Xbox 360. PlayStation 3 et Nintendo Wii. GameCube, Motion Control Manette. Donc, on parle de la Xbox 360 qui est parue le 22 novembre 2005. On a eu des beaux shows sur MTV avant, puis le slow hype. Quand même 8 ans. C'est quand même 8 ans. C'est une longue génération. Hein. La 7e génération est la plus longue génération. Ouais, mais il disait au début, personne ne croyait, puis... Ben, elle est tellement longue même que entre les branches, la 8e génération, il y a des gens qui se demandent pourquoi. Pourquoi qu'elle existe? Pourquoi maintenant? Parce que on voit en fin de 7e génération des jeux qui sont quand même assez impressionnants qui sortent sur ces consoles-là. Puis il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi maintenant une nouvelle génération? Fait que tu sais, ça c'est quelque chose qu'on va peut-être avoir le temps d'aborder un peu plus tard. Mais ce que je voulais commencer par, c'est l'historique dans le fond. Donc, Xbox 360, 22 novembre 2005, suivi très près de la PlayStation 3. Oui, juste d'abord, la nouvelle, elle sort pas le 22 novembre. Oui. Mais c'est ça. Exactement. C'est eux autres, dans le fond, là, les dates, c'est très important pour eux autres. Là. PlayStation 3, on parle du 11 novembre 2006. Il y avait eu un petit retard à ce moment-là. Il y avait eu de la difficulté, je pense, c'était avec l'intégration du Blu-ray au départ de la console, puis le processeur Cell. Il y avait aussi le manque de fabrication de jeux. Oui, effectivement. Mais ça, on va pouvoir en parler d'un peu plus en profondeur à ce moment-là. Effectivement, les ventes n'avaient peut-être pas été au rendez-vous. Le monde n'était pas capable d'attendre un an où il se disait, bah, dans un an, j'ai le temps de me ramasser d'autres cash. Tu as vu la date de la Wii? Et la Wii, on parle du 19 novembre 2006 pour l'Amérique du Nord. Les dates que je mentionne, c'est l'Amérique du Nord. Après la PS3. Exactement. Oui, mais il y avait eu la Xbox qui a eu un an d'avance. Ça, c'était la grosse affaire. Puis tout le monde pensait que c'était... En tout cas, ça les a aidés à être coup à coup avec PlayStation. Mais on a eu Même par coup à coup, on veut dire à plat de couture avec PlayStation, parce qu'on s'entend que Nintendo... Nintendo, ils ont lavé cette génération. Cette génération-là, en vente de périphériques, de hardware, de consoles, ils ont quand même dominé. Parce que, tu sais, justement, ce que je trouve intéressant, Milton, tu as dit le PlayStation 3, il n'y avait pas de jeu, ça nuit aux ventes. La Wii, il y avait... C'est Eric qui a dit ça. Mais je le pense profondément autant qu'Eric, et peut-être même plus, puisque... J'ai attendu longtemps à cause de ça. Mais à ce moment-là, tu vois, qu'est-ce qui était intéressant et qui est ironique, c'est que Nintendo, avec un jeu, qui était Wii Sports, ont vendu des consoles comme ça se pouvait pas. Parce que cette génération-là a été l'arrivée aussi d'une manière différente pour l'industrie du jeu vidéo. Autrement dit, Nintendo, eux autres, ils se sont dit, versus aller à plat de couture avec les Xbox et les PlayStation de ce monde... Nous autres, ce qu'on va faire, on va vendre des consoles aux gens qui ne jouent pas. Et ils on va juste revendre notre vieille console avec les nouveaux contrôles. Mais c'était pas juste ça non plus, je pense. C'était aussi de il y a bien des gamers qui étaient au début impressionné par c'est, ça, non, si c'était, on peut dire. Que du c'était, les gens étaient sceptiques ben, pour le Wii. Ouais. Le Wii, là, c'est une des consoles que moi, je me rappelle avoir reçu le plus de hate. Parce que le monde après disait déjà que Nintendo, sorti, c'était mort. Il y a eu beaucoup de monde, je trouve, avant, même avant qu'elle avant, sorte. Oh, le hype, moi, je m'en rappelle, j'étais tout excité quand ils ont annoncé la manette. Puis tout le monde était comme « what the fuck ». Puis moi, je m'en rappelle regarder ça, puis je suis comme malade. Puis là, il expliquait c'était quoi l'idée. Puis tout le monde, il voit non, oui. Le oui, là, s'il y aurait eu Reddit quand il s'était annoncé, là. ça aurait explosé. Mais les jokes sur ça, là. Ce qui est ironique avec ça un peu, c'est que les consoles de jeux vidéo, puis les gamers, autrement dit, les gens qui achètent les consoles de jeux vidéo, qui vont acheter les jeux, qui vont jouer avec ça, c'est des gens qui ont un terme anglophone, c'est les early adopters, ça. C'est des gens qui vont adopter une technologie à l'avance des autres. On s'entend que le Blu-ray, là, c'est le PlayStation 3 qui a fait rentrer le Blu-ray chez les gens. On s'entend aussi que... C'est la seule raison que j'ai des Blu-ray, c'est à cause que j'ai mon PS3. Puis c'est quasiment la seule raison que j'ai un PS3. Puis c'est une des premières fois que Sony ont réussi à gagner aussi également à ce moment-là. Parce qu'on s'entend que Betamax, ça n'avait pas gagné dans le temps. Puis c'était un peu la joke. Ça, au départ, des, les des gens grosses ils disaient, cette génération-là. Sony avec votre Blu-ray, vous allez perdre encore, acheter des DVD, puis c'est ça, t'avais Toshiba, la guerre, puis la guerre entre les deux. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ils se souviennent peut-être pas nécessairement, mais au départ, c'était quand même un des gros arguments. Puis je pense que les gens, les early adopters, ont une genre de responsabilité aussi parce que c'est ces gens-là qui adoptent, puis c'est ces gens-là qui vont dicter le chemin de l'industrie. Mm. Fait que tu sais. Le Blu-ray a eu un impact significatif, mais justement, ce qui est ironique là-dedans, c'est que Eric apporte un point quand même assez intéressant, c'est que la manette de la Wii, là, t'as eu un paquet de monde qui était sceptique. Ouais. On va parler un peu plus tard d'autres technologies puis de périphériques qu'on ne nommera pas tout de suite pour se garder un peu d'argumentatif pour plus tard. Mais tu sais, moi, ce que je trouve ironique là-dedans, c'est que autant que les gamers, c'est eux autres qui sont les early adopters, donc autrement dit, nous autres, on adopte la technologie d'avance, autant que c'est les gens qui sont les plus réticents au changement. Ah, oh, si, tu penses? La manette de la Wii, là, hey, vous allez pouvoir jouer des façons de jouer avec les contrôles, on bouge, on fait quelque chose, puis non, marchera pas ça, moi je jouerai pas avec ça, c'est de la merde. Puis, de... puis là, après ça, ils l'essayent, puis ah, oh, finalement, c'est pas si pire. Puis je m'inclus dans le lot là-dedans, là. Il y a bien des technologies, moi-même, sur cette génération-là, que j'ai fait. Oh boy! Oh boy, je suis sceptique avec ça. Puis c'est drôle pareil. Là. Mais moi la Wii, là, je suis bien content de la Wii, puis les jeux qui ont sorti, puis je trouve qu'elle mérite d'avoir été la console la plus vendue à quelque part, parce que j'ai aimé l'approche de Nintendo au début, mais moi, je me sens que j'ai été un petit peu. Ou peut-être moi, je m'ai trop hypé. Ou... Non, mais moi, je m'ai trop hypé, je pense. Mais la première fois que j'ai entendu parler de la Wii, puis j'ai abusé de ma Wii à cause de ça, c'était une des premières consoles qui me donnait accès hors du monde de l'émulation à une ressource de juste acheter des vieux jeux pour pas cher puis les avoir direct sur ma télé. Puis man, j'aimais ça. Mais je n'avais beaucoup ça. Là. Je l'ai encore parce que j'ai tout transféré dans ma Wii U. Mais ça, ils ont tablé beaucoup sur ce rétro gaming-là. Mais il pourrait, je dis ça de même, il pourrait tellement plus profiter de ça. Ben, à te charger 5$ pour un vieux jeu, ouais, je sais pas comment plus qu'il pourrait profiter de ça. En t'en donnant encore plus de choix accessibles à place de soutirer puis d'atteler. C'est ça, j'ai remarqué. Exact. Moi, je suis d'accord, c'est monde, ça qui m'a déçu. Il sort le gros catalogue tout de suite au lieu de dire dans deux au semaines. Ouais, mais ça, c'est l'approche Walt Disney. Dans deux semaines, on te ressort. C'est parce qu'ils garantissent un stream. C'est sûr que de même, c'est sûr qu'il y a de l'argent qui rentre à cause de ça. Ouais. Mais nous, on s'en jouait. C'est l'approche Walt Disney puis la voûte, ça. Achète-les là! Parce qu'il s'en va dans la voûte, puis là, ça va moi, je serais le premier à acheter pour pas trop cher. Là. Je serais le premier, puis j'ai un Xbox rempli de fucking ROM. Mais live, là, moi, je lance une idée en l'air, là, puis tu sais, pour la prochaine génération, puis même, à la limite, faites-le ça à Wii U, là, mais moi, je dis ça de même, Nintendo, là, mais... Puis vous m'enverrez un chèque, là, il n'y en a pas de problème. Là, Reggie, là, je ne pas un chèque, il n'y en a pas de problème, mais... Pour les autres, par regarde, faites-vous un Netflix de rétro gaming. Charge-moi un 20$ par mois, là. Puis donne-moi accès à tous tes jeux de Super Nintendo. Fait qu'on parle de la 8e génération, là, André. Là, mais c'est ça. Mais dans la 7e génération, par contre, puis le retro gaming, donc, tous ces vieux jeux-là, ça a été un game changer aussi. Ça a été quelque chose qui a fait un impact pour Nintendo. Puis il y a beaucoup de gens qui ont adoré ça. Puis je m'en rappelle, tu sais, hey, tel jeu vient de sortir sur le marché, tu sais. Earthbound. En fait, Earthbound, c'est sur la Wii U. On parle de la huitième génération, mais sur la septième génération, tu sais, d'avoir les vieux jeux accessibles, les choses comme ça, c'était quand même bien, tu sais. Mais des avancées technologiques, si on y pense, puis tu sais, des choses, des fois, là, qu'on s'en rend pas compte. Mais la Wii, c'en est une. Au niveau du contrôle. Mais encore plus anodin que ça, tu sais. Si on y pense, là, puis il y a Jean-François Bruno qui nous a fait remarquer ça aussi, mais on s'entend, là, au début de la septième génération de consoles, on jouait sur quel genre de téléviseur? Standard. Ben, des téléviseurs 4 3, cathodiques. Ouais, cathodique. C'était pas HD. Moi, c'est ça que j'avais, en tout cas, quand que... Encore une fois, le gamer a fait... Je dois dire que j'avais une cathodique HD, mais on va pas embarquer dans les détails. On peut avoir des cathodiques HD, effectivement. T'étais un de ceux que, quand tu déménageais, personne venait t'aider parce que t'avais une TV cathodique HD. Ah, je l'ai pas eu longtemps. Ça, tu déménages ça une fois dans ta vie, puis tu veux plus bouger, puis tu pleures. Mais... Mais la plasma est à 25 000$ en vrai. C'est ça, exactement. Mais où je m'en vais avec ça, c'est que les jeux HD sont arrivés. Puis, pour ceux qui ont joué à Dead Rising, oui, qui ont joué à Assassin's Creed aussi, le texte, si t'avais une télévision cathodique, tu faisais, oh non, je peux pas lire ça, mon jeu est brisé. Moi, je travaillais dans le club vidéo, puis le monde revenait, puis comment ça se fait, je peux pas lire? Ben, c'est parce que c'est fait pour être sur du HD, monsieur. Ben, voyons donc. Encore une fois, la PlayStation 3 a mis le Blu-ray chez les gens, mais les nouvelles générations de consoles, par contre, ont poussé le HD dans les salons des consommateurs. Mmh. Oui, le fait que les prix des téléviseurs étaient plus abordables, avec raison, hein. Mais on s'entend, c'est pour la qualité supérieure de film. Puis c'est pas la télévision, là, parce qu'encore à ce jour, la majorité des téléviseurs, puis si vous utilisez un système de câble haute distribution ou si vous utilisez un Bell, un Vidéotron, peu importe, vous allez avoir du 720p ou du 1080i. Il n'y a pas de poste en 1080p de ce que je connais. Puis je dois noter 4x3 à 16x9. Exactement. De carré à rectangle. Et voilà. Ouais. Fait qu'il y a eu des avancées technologiques, mais le vrai 1080p, la vraie HD se passait sur du Blu-ray ou sur des consoles à ce moment-là. Fait que tu sais, ça, c'est une avancée technologique que... on attribue peut-être pas à cette septième génération de console-là, mais ça a bougé beaucoup. Exactement. D'autres avancées technologiques aussi, on a vu, c'est sûr et certain que c'était disponible sur le Xbox régulier, mais on avait Xbox Live, mais l'arrivée du jeu en ligne sur console en est un jeu en tant massif. Que marché aussi. Exactement. Lui, en tant que tel, j'en ai il a évolué. Non, mais Xbox Live, au début, tu te souviens, c'était quoi? Gros onglets. Mais les Blades, les Blades. Ouais, t'avais tes Blades. Ils étaient cool en Chris, les Blades. Ouais, mais c'était cool, c'est le coup. Mais ça, c'était juste pour tes jeux, tes vidéos qui sont dedans, ta musique, tu sais. Puis là, tu y penses, là, puis vidéo, musique, c'est tout, c'est le même petit carré de rien. Parce que à ce temps, t'as tes Netflix, toutes tes apps. Ça a évolué tellement, là. Puis le monde, ils chialaient au début. Non, ils ont changé mon marché. Puis là, t'es sur le chose. Puis c'est comme 8 onglets pleins de pop-up de partout. Oui, t'as certaines pubs, ok, je l'avoue, moi ça me dérange pas, je suis pas affecté par ça, mais toutes les apps qui sont dessus, mes Twitch, mes Netflix, mes TSN, mais tu vois, ça c'est un point important que t'apportes, là. C'est aussi un autre avancée technologique, c'est l'intégration, comment que tu le consommes. Exactement, l'arrivée des médias sociaux aussi. Moi, je joue à NHL, je joue à Call of Duty ou peu importe, je peux trouver mes amis. Le meilleur exemple, Grand Theft Auto présentement, qui est comme l'apogée de cette septième génération. Le meilleur jeu. Je peux aller trouver mes amis par Twitter, Facebook, Xbox Live, PSN. J'importe ces gens-là, je peux les inviter dans un crew, peu importe la plateforme, on peut pas jouer ensemble. Mais l'intégration des médias sociaux, l'intégration de Twitch qui a commencé aussi, tu sais, on a vu, il y a beaucoup de lancers là-dedans. Là. Ouais. Fait que, et j'ai hâte pour ça, personnellement. Côté historique, je pense que on s'entend, on a passé un 8 ans, puis dans ma tête à moi, puis je sais pas pour vous autres, mais tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, justement. Tu sais, en y repensant, justement, en prenant mes notes pour me préparer pour cet épisode-là. Mais c'était un beau 8 ans. Pour moi, personnellement, c'était... Puis je me souviens que même les premiers jeux du début, je capotais, là. C'était incroyable, là, sur certains jeux, là, qu'à cette heure, je repense. Puis je fais Gears of War, quand tu voyais la première fois. Le premier tech démo de Gears of War, quand tu voyais les hordes, puis qui ont dit, ça, c'est pas du rendering. C'est pas un vidéo pré-rendu. C'est vraiment, c'est de l'animation en temps réel. Chaque personne est là, tu peux les tirer, ils tombent, puis... C'était incroyable, ça. Puis en parlant de rendering, faut que je dise facilement aussi que faut, je me rappelle un peu de l'historique qu'on parle de, mais quand ils ont annoncé cette génération-là, comment est-ce que moi je trouve quand je me suis fait flouer là, en voyant des grosses promesses par toutes les compagnies un peu. Puis je pense qu'on attend encore les promesses qu'on a eues au E3 avant les PS3 puis les Xbox 360. Ah, c'était incroyable. Il y avait des vidéos là, j'attends encore ces jeux. J'attendais ça, je capotais là. Moi je m'en rappelle. Moi je savais que ça se faisait pas. Là. C'était un des plus gros bluffs là. Cette génération là, le moins de consoles. Tu parles de. Je pense que c'est moins de consoles aussi. Tu parles de plus longue. Mais trois consoles, je pense qu'avant ça, il y en avait 4-5. Mais le marché s'est épuré. C'est sûr qu'on a Sega aussi qui s'est retiré pour cette génération-là. Rest in pas peace, Dreamcast, pas rien à ce moment-là. Sega, ils ont fait, regarde, that's it, that's all. Ça, c'est une des affaires. Puis ça a l'air anodin aussi, mais en 8 ans, là. Mais tu sais, là, c'est comme, il n'y avait plus de Sega, il n'y avait ça plus rien. Ça fait un rien, parallèle là. Sur Mario. Parce que des gens, ils pensent là, que Mario va jamais quitter Nintendo. Je me souviens, j'ai vu dans une période où je pense à la même chose pour Sonic. Mais je pense que éventuellement, dans la 8e puis peut-être la 9e génération, on va voir Nintendo évoluer. Ça va être dans leur intérêt. Marché, là. Si moi, je serais là puis je serais partie de l'exécutif à Nintendo, je serais en train de commencer à considérer des choses comme ça sérieusement. Pas négativement. Moi, je pense garder une que console, eux mais... autres, qu'est-ce qu'ils font, s'ils vont le garder pour toujours, ils vont garder ça à eux autres sur leur console, puis ça va être au pays des consoles portables si un jour Nintendo disparaît du marché. Non, Nintendo continuer... va jamais disparaître, ça se fait non, jamais mais discuter. Là, ça va jamais disparaître. Fabricant de consoles, ouais. Ils vont continuer de dominer le marché de la console portable, d'après moi, dans un sens. Puis les Mario, tu vas ouais, les ben, trouver. Ils dominent déjà. Les Zelda, tu vois. Non, mais encore, ils vont rester là-dedans à la place. Mais moi, je suis juste en train de parler des consoles maison. Mais, Eric, tu lèves un point, là, le E3, justement, avant. Moi, je me souviens, j'avais acheté... On vendait ça au magasin où je travaillais. C'était $19.99, puis c'était un DVD, puis c'était le E3 Sampler. Oh. Puis on avait un disque, puis c'était toutes les conférences de presse, des samples de jeux vidéo, des choses comme ça, pour la PS3, Xbox 360, puis Nintendo Wii. Hey, MotorStorm, était-tu beau? C'était beau, c'était le fun. Hey, tu voyais Madden... Puis, je suis pas un joueur de jeu de sport, mais Madden, excusez-moi, là, mais je t'ai tombé sur le cul. J'avais vu ça, j'ai fait, voyons donc, je vais jouer avec ça. Mais moi, Madden, là, c'était pas pire, mais il y en avait qui étaient. C'est incroyable, là. Il y en avait qui étaient moyens. Vas-y, Milton, mais j'aimerais juste ça qu'on reste présentement, tu sais, innovation, régression. Ben, c'était qu'est-ce ça que je voulais dire. La distribution c'est en ligne, un peu dans ça l'intégration que je voulais aller, mais dans les jeux, dans le sens innovation et régression, ou peu importe, il y a plein de styles de jeux. Oui. Comment et quels qui ont innové et régressé? Dans le sens que Call of Duty 4, ouais. Okay, ce jeu-là, il y a un mode online. Mm-hmm. Il y a un mode online qui était très le fun. Mais ça, c'est, après, ça a évolué. Après, tu as eu Call of Duty, je pense que c'était Modern Warfare, le premier. 4. Non, c'est le 2. T'es sûr c'est le 2? Ah, je gâche. Mais en tout cas, c'était la deuxième guerre mondiale. Tout ça pour dire, c'est que le online, que je me souviens, ça, c'est le premier que j'ai joué dans Call of Duty au 360. C'était un bon first person, un bon story, un mode online, il est cool. Ça se tenait à ça pas mal. Puis, ouais. L'autre jeu après, je pense que t'as commencé avec Modern Warfare ou en tout cas peut-être la Call of Duty 4 ou peu importe, là, je me souviens pas. Mais c'est le premier qui ont intégré les genres de ranking, d'expérience ouais. online. Mm-hmm. Puis ça, des, c'est Modern des... Warfare, ça. C'est ça, ça c'est le premier. Fait que c'est l'autre juste avant qui était le premier du Xbox avec 360. Non, non, le premier au Xbox 360, on oublie souvent Call of Duty 2. C'était un launch title pour le 360. Ah, peut-être, mais en tout cas, les... je sais plus non. C'est quel, mais peu importe. Le 3, c'était un PS3. Celle qui a eu, tu sais, en tout cas, ça a rentré de l'XP, du online, du... Tu comprends ce que je veux dire? Oh, ouais. Oh non, mais c'est ça, l'expérience online, c'est l'évolution. C'est là, ça, c'est... qui fait que le jeu, le FPS de tous les genres, toutes les compagnies a évolué. Que sont online, il y a de l'XP, des levels, t'unlock des affaires, t'unlock des skills, t'unlock des... Comme dans fait, WoW! Mais... non mais c'est un côté RPG de ça, mais c'est ça qui a fait que tout le monde joue comme des astis de malade, excusez yep. le terme, à Call of Duty puis des Battlefield puis des affaires de même parce qu'ils sont rendus de même, tandis qu'il y a des jeux qui étaient bien forts dans des périodes comme le Super NES puis tout, qui est le RPG classique, que personnellement je trouve mais étais-tu si fort que ça? Moi, je connais bien du monde qui jouait à toutes les finals, puis ouais, les Breath aussi, of là, Fire, même moi, puis des gros... Toutes les Mitchell, j'ai toujours douté de ces ventes. Là. En fait, c'est quelque chose que tu me fais penser. Ben, peut-être, j'aimerais mais checker moi, les ventes. Mes chums, puis tout le monde que je connais, là, ils jouaient... OK, on jouait à plein de fighters au Super NES, puis tout, là, mais on jouait aussi à des RPG, puis ouais, des Breath of Fire, puis il y avait des Flintstones, puis des Batman and Robin, ben, qui sortaient, je pense jouais qu'ils pas mal aussi, tout, mais j'en vendais pas tant que ça. Moi, j'achetais moins les Batman and Robin, mais en tout cas, peu importe, tout ça pour dire que le RPG lui, il a mangé une claque là, quand tu penses à des Blue Dragon puis des. Puis pourtant, Blue Dragon, que t'avais le gars de Dragon Ball Z qui faisait l'artwork. Le gars de Final. Le gars de Final qui sont arrivés. Puis tu sais, t'avais beaucoup, beaucoup de potentiel. Microsoft, ils ont tous misé là-dessus, en fait. Là, si on parle de jeux RPG, là, Microsoft, ils ont tous misé cette génération. Mais vous autres, c'est quoi, vous voyez d'un style qui a misé, mais beaucoup misé. Ben, tu sais, moi, un peu faire un parallèle avec ça, mais tu sais, Blue Dragon puis ce genre de RPG-là. Lost Odyssey. Je pense que. C'est arrivé à une étape où le marché a évolué, le consommateur a évolué aussi, puis c'était le fun. Moi, regarde, quand j'avais 16 ans, puis quand j'avais 15 ans, puis name it, c'était normal pour moi d'un jeu d'arriver devant une commode, peser sur A, puis de trouver un Phoenix Down. Ouais. Mais quand t'es rendu que t'as payé ta console 500-600$, t'es un peu plus vieux, tu te la quittes, puis que tu te promènes en pesant sur le piton A, puis que là, tu trouves un Phoenix Down dans une commode... Tu te dis, wow, y aurait-tu pu faire ça différemment? Ça aurait-tu une animation? Blue Dragon, puis tout ça, c'était Microsoft qui ont essayé de pogner. Ils ont fait une grosse mise pour essayer de pogner le Japon, cette génération ici. Ils se sont dit, on va essayer de tâter le terrain du Japon, puis prendre le terrain japonais. Puis après ça, il y a plein de jeux comme ça qui ont essayé, qui n'ont pas bien vendu au Japon, parce que je viens dire sur le mais le consommateur japonais, de un, il est très. Il veut rien sélectif, savoir de Microsoft, là. Très sélectif de vous si viennent les produits. Puis je m'excuse, mais ça peut aller au point où ils ont déjà droppé des bombes atomiques, fait que peut-être je veux pas acheter mais, un Xbox. Mais tu vois, regarde, t'apportes un point là, qu'on a vu, c'est que dans la 7e génération de consoles aussi, il y a eu une migration de la consommation. Voulant dire, le consommateur avant jouait du JRPG, du Japanese Role-Playing Game. Un consommateur, pas le consommateur. La majorité en achetait quand même beaucoup parce que on achetait beaucoup de jeux qui venaient d'inspiration japonaise. Donc, la mecca du jeu vidéo était au Japon. Il parlait plus de ça en ligne, fait qu'il utilisait ça comme un genre de... Mais pas juste en ligne, mais même dans les ventes, c'était quand même là. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un shift un peu, il y a eu une segmentation. Il y a eu des gens qui continuaient de consommer quand même japonais, mais on a eu des studios américains qui sont ressortis parce que là, la console était maintenant au niveau du PC. Je m'excuse pour les puristes que je viens de froisser, parce que là, on va me dire « Un PC, c'est plus fort, un clavier, une souris, des affaires de main. » Regarde, arrêtez, là. La 7e génération, c'est la première fois, c'était coup, la première fois là, que, graphiquement, au moins, côte à côte, ça se maintenait. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des studios nord-américains qui ont releasé des jeux, ils ont développé... Excusez-moi, j'ai le hockey, ça a l'air. C'est un bon vin. C'est un bon vin, puis c'est une bonne salade aussi qu'Éric nous a confectionné ce soir. Non, ça va super bien. Donc, c'est la première fois qu'on a eu des studios nord-américains. Là. Hey, on a eu des jeux, des Assassin's Creed, des Call of Duty. Et Hitman. Je me coupe au montage, je pense. Je suis désagréable à soir avec mon hockey, mais... Fait que là, j'ai plus le hockey. Où je voulais en venir, c'est ça, c'est qu'il y a eu des studios nord-américains et on a eu des Gears of War, des Halo, des affaires la même, tu sais, qui sont sortis. Puis c'est sûr qu'on était réputé comme étant prédominant dans le tir à la première personne, donc les jeux de gun. Mais il y a du monde qui achetait ça puis qui aimait ça. Mais il y a eu un marché que, avec l'arrivée de l'en ligne, comme Milter mentionnait, ça, il y a eu comme un renouveau mais là-dedans. Le jeu de gun a explosé dans un sens avec l'en ligne, mais... T'sais, mais tous les styles, là, t'sais, le puzzle game, il est pas mal moins là, autre qu'il est rendu intégré dans des jeux comme du sandbox, qui est rendu très populaire, du sandbox. Ben même dans Open BioShock, World. Moi je me souviens, ça c'est un des jeux cette génération, BioShock, j'étais tombé sur le cul, c'était incroyable. Puis t'avais des puzzles là-dedans, j'arrivais là, puis moi c'est le genre de jeu là que j'ai piraté chaque tourelle, j'ai quasiment jamais tiré un coup là-dedans. Ouais, ouais. Parce que tout tuait tout le monde pour moi. C'était incroyable. Mais c'est surtout un point où la narration des histoires, c'est que les jeux américains dans le temps, c'était saute sur telle affaire, tu sais, sur telle chose, puis ça arrête là. Oh, de quoi tu parles? Donne-moi 30 secondes. Okay. Ce que je veux en venir, c'est que t'arrives avec des jeux américains dans l'étape du Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube. L'histoire était secondaire. L'histoire était présente, mais n'était pas aussi raffinée. Mais dans des jeux de tir. Pas juste dans les jeux de tir, en général. Ben, c'est joue à Ultima, Zork, je veux dire, tu parles d'histoire. Oui, mais est-ce que c'était sur console? Non, on parle de console. On parle de console. On parle de consommateur de console. Puis quand on est arrivé avec des jeux comme BioShock, des jeux comme Uncharted, des jeux comme Fuck, c'est quoi le Tomb Raider. Non, pas Tomb Raider. Les premiers Tomb Raider. Comment ça s'appelait, The Origami Killer? Heavy Rain. Heavy Rain. T'es arrivé avec des jeux de même où c'est l'histoire, c'est nord-américain. Mais c'était de l'autre. C'était français. Ça peut être français et nord-américain. Ouais, Heavy Rain français, mais le reste, quand même nord-américain. T'es en train de dire que le point and click est revenu un petit peu. Oui, mais pas juste le point and click. Prends même Halo 4. Qu'ils ont implanté une grosse histoire là-dedans, BioShock, que c'est au niveau de l'histoire. C'est les shooters qui ont évolué, c'est, moi, je trouve. C'est le jeu américain qui a évolué en général. Mais on aussi, est arrivé avec tu parles de l'histoire en général dans les jeux est beaucoup plus développée qu'avant. Ben, juste pour l'Amérique en du général, Nord, parce qu'au Japon, il y avait déjà cette culture-là où tu jouais un jeu pour l'histoire. Au Japon, je trouve aussi, que c'est encore... plus d'après moi. Ben des fois là, tu joues un petit jeu très basique dans un sens, puis quand tu y penses il y a deux jeux dans le même qui sont totalement différents. C'est Catherine qui est un jeu japonais, Atlus. Ben c'est un jeu de puzzle avec un jeu de quasiment role playing animation, puis c'est complexe, quand tu y penses, là, je veux dire. C'est... Ton point est totalement valide, mais ce qu'on parle là, c'est des innovations de la 7e génération de consoles. Ça existait déjà au japonais. Ouais. Au Japon, eux autres avec, ils ont c'était pas pareil dans certains studios, mais ils ont régressé. Ouais. Puis moi, aussi, je laisse à dire qu'il y a bien des très bonnes histoires, jeux américains, bien avant la 7e génération. C'est sûr, ça. Même si console. C'est sûr, là. Mais c'était pas mais en général, prédisposé, puis c'était pas répandu, puis c'était pas accessible pour tout le monde. C'était des jeux qui étaient très niche. C'est plus des one-line Maniac line Mansion. Game, là, genre, là. C'était une console, gars, je joue console. Non, c'est ça, mais c'était très niche. Maniac Mansion, c'était pas tout le monde qui jouait à ça. Il y a pas bien du monde qui jouait à ça. Tu sais, maintenant, on se rend compte, là, regarde, on a eu de la controverse. Je sais pas si vous vous souvenez, là, Call of Duty, la scène de l'aéroport. Moi, j'aime ce stop-là, moi. Mais c'est une génération qui y a eu beaucoup de controverses avec d'autres jeux, les Grand Theft Auto en partant, qu'il y en a eu plein. Eu de la controverse? Non, mais la vraie controverse de Grand Theft Auto, faut pas se méprendre, ça, c'était sur la 6e génération. C'était avec San Andreas, qui est le premier jeu à avoir eu la cote adulte. Est-ce que les jeux vidéo sont considérés comme de l'art? On peut-tu sauter la prochaine question? On va sauter par-dessus ça, sauf que par contre... Il y a une chose qui est arrivée, c'est que dans la 7e génération de consoles, on a eu des jeux qui ont vraiment augmenté le calibre dans ce dossier-là. C'est des jeux... On prend là, la trilogie d'Uncharted. Là. Uncharted, c'est une expérience cinématographique. C'est une, mais on est en train de dire que nos jeux préférés de la génération On parle pas de nos jeux encore préférés, mais on s'entend que ça a repoussé les limites. Autant de la narration, du personnage, de l'histoire, du graphisme... Ça a repoussé des limites, Uncharted. Faudrait peut-être que je n'essaye un moment donné. Un jour, faudrait que tu joues à Uncharted. Ça commence avec le 2 rendu là. Le 1, c'est le fun. Mais tu sais, Red Dead Redemption, là, que classique. C'est un hommage à Sergio Leone. Joues à ça, puis c'est incroyable. Mais encore, c'est un GTA hommage. Rockstar, c'est pas rien qu'un hommage à Sergio Leone. Là. Il y a des références dans ce film-là, là, des... 310 to Yuma, puis plein de films de Western. Oui, mais GTA et Red Dead, tu sais, on s'entend. Par contre, GTA va moins se prendre au sérieux que Red Dead. Red Dead était un peu plus. Oui, aux zombies. Les zombies, c'était n'importe quoi. Par après, là. Mais l'histoire, oui, puis. C'était un peu pas plus de spoiler, sérieux. Mais la fin est qu'est-ce qu'elle est. Là. Je suis sûr que si tu m'entends dire ça, tu comprends. Mais en même temps, ça change fuck all. Non, quand c'est tu ça. Y penses, là, c'est... D'accord. Mais on est-tu encore sur les innovations? Ou... En fait, on a parlé beaucoup d'innovations, mais j'aimerais ça qu'on parle de régression aussi. De régression. Les choses qui sont arrivées, puis je vous donne un exemple. Lancement du Xbox 360, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau d'un certain euro. Ring of Death. On a eu une génération de consoles qu'on ne pourrait pas qualifier de sans bavure. Ben, qu'on n'avait pas calculé la chaleur. Déjà que t'achetais un Super Nintendo, t'avais un warning de ne pas le mettre sur le tapis. Mais là, t'as un 3000 fois plus puissant que le Super Nintendo qui chauffe que comme tu le soleil. Mets-les pas dans ton meuble de TV. C'est genre, ça. Okay. Mais c'était mal conçu. Ouais. Là, ancien coloc, là, c'est lui qui a eu la première Xbox entre nous, genre, puis que c'est à cause de lui que j'ai joué au début, là, pendant comme les 6 premiers mois, c'était sur la sienne que je jouais. Lui, par après, je pense qu'en tout, là, et j'adore Xbox, là, mais il y a eu 7 Xbox. Il y a eu des Ring of Death, là, un après l'autre. Il l'envoyait se réparer, elle revenait, il l'envoyait à une nouvelle. Mais le pire là-dedans, là, moi j'en ai eu deux. Mais j'en ai deux, puis j'en ai pas qui ont cassé. Mais j'ai été un des chanceux. J'en ai eu deux, mais j'avoue que par après, ma blonde, elle en avait une autre, une troisième, puis elle a eu pogné un Ring of Death aussi. Fait que c'est un mais tu sais, où je voulais en venir avec ça, c'est que ça l'a apporté. Puis tu sais, là, on a parlé de la Xbox, mais il y a eu des problèmes avec les PlayStation 3 aussi également. Puis. Tu sais, on a eu, je pense, un nouveau phénomène. Puis, ça l'a affecté les consoles, mais ça l'a affecté les jeux aussi. On dirait qu'il y a eu, avec la possibilité de mettre des rustines, donc autrement dit, de mettre des patchs, de pouvoir sortir mon jeu, puis je vais le réparer d'ici un mois ou quelque chose de même à certains patchs. Ben, moi, je veux bon, votre opinion bon, là-dessus. Là. Est-ce que ça a été sorti à la hâte un peu, ces consoles-là? Est-ce qu'ils ben, sont comme, pressés? Comme ceux qui s'en viennent dans pas long? Comme oui. Ceux... Mais c'est la première fois, je pense, qu'on a fait face à ce phénomène-là qui est... Est-ce que le produit était 100% mais... testé et de qualité avant de quitter l'usine? Pour les Xbox, au niveau du hardware, je pense que non. Mais au niveau du développement de jeu, oui, à la sortie. Ben elle a sorti des jeux, puis le software était très bien conçu. Mais la console n'était pas prête pour le consommateur. Oh shit. Non, ben, elle était prête, mais elle était trop aussi. Je pense aussi, qu'ils là, ils l'ont mal... Ils l'ont sous-estimé l'utilisation que le monde en aurait faite. Ça, c'est une bonne... Fait puis du côté de Sony, ce qui est drôle, c'est que c'était totalement l'inverse. Un an après, eux autres, c'est... Notre matériel est fort, il est solide, mais on n'a pas de jeu. Microsoft avait les jeux puis la console n'était pas prête. T'as j'ai l'impression qu'ils sont dit de temps, si tu joues pas. Le monde jouera pas 8 heures de temps. Fait hey, qu'on puis... on va la lancer pareil la console. Mais Microsoft là, puis... cette génération ici sont allés de le troisième joueur à côte à côte avec l'ancien gros joueur pendant exactement. Deux générations. Hein. Puis de l'autre côté, t'as Sony à ce moment-là qui se retrouve puis qui font ben regarde nous autres on va sortir notre console, il y a peut-être pas de jeu de prêt, mais on sort la console pareil à ce moment-là. Yep. Puis c'est là que ça a fait un peu un genre de nouveau phénomène de jeux vidéo. Tu sais, des jeux non complets qui sortent. Puis je pense que ça, c'est une régression. Dans le temps que tu achetais une cassette ou un CD pour ton PS2, PS1 ou peu importe, il n'y en avait pas de patch. Il n'y en avait pas moi, de « on va corriger le bug ». C'est juste une régression s'il l'abandonne puis il ne le corrige pas, je trouve. Mais moi, je trouve que c'est une régression parce que le produit n'était pas fini. Puis ça, c'est mon opinion principale. Ouais, mais pense à NHL 94. T'avais le bug de faire le tour du but, puis tu scorais tout le temps, puis c'était comme « OK, tu vis avec trouve-moi le jeu. » Trouve-moi un autre jeu à part NHL 94. Plein de cheap debt dans plein de jeux. Non, mais tu parles de Mario de Bros. Des vrais bugs, là. Qui, regarde, des bugs qui t'empêchent de jouer. C'est quand le dernier jeu que vous aviez un jeu là, que vous aviez fait une sauvegarde, mais non, ça scrapait votre game. Mais non, ouais. Y avait-tu des jeux de cette génération-là qui étaient à ce point-là? Les générations de la 6e au PS2, est-ce qu'il y avait un jeu de PS2 que tu sauvegardais et ça plantait ta game? Sûrement. Peut-être. Mais le problème, moi, où je veux soulever pas, avec peut-être ça. Peut-être pas saver et que ça plante ta non, game, mais des je glitch, prends cet exemple-là, mais c'est parce qu'on a appris. J'ai sûrement tombé à travers d'une coupe de plancher à l'infini. Une régression de la 7e génération, selon moi, c'est qu'on a appris à vivre avec la médiocrité. Autrement dit, on a appris à vivre avec des produits incomplets. On a appris à vivre avec des produits où. Ah ben les serveurs sont pas prêts à nous accepter, fait qu'on va attendre. Ouais, on va aller à un autre restaurant. On va aller à un autre restaurant pour tout de suite. Tu sais, il y a eu beaucoup de les studios ils ont fait, ben regarde c'est pas grave, on va pouvoir se reprendre par après. Puis vu que les gens avaient cette deuxième chance là, on dirait que les gens en ont abusé puis en ont pris pour acquis dans cette 7e génération là. Le nombre de jeux qui avaient des bugs puis qui auraient pas dû être sortis puis qu'on se fait faire des promesses. On a eu l'arrivée des teasers. Hey, le jeu est arrivé, puis on va vous le releaser bientôt. Là, après ça, on avait la bande-annonce. Là, après ça, on avait la bande-annonce d'engouement, la bande-annonce finale. Mais le jeu sort, plus ça comme des bam, films. Il est planté. C'est plus juste un jeu, c'est comme des films à cette heure-là. Ben, exactement. Puis, l'approche est différente. Ce que ça a fait, c'est que maintenant, on est rendu même qu'on a des bandes-annonces, puis ça rit un peu de cette industrie-là. Des bandes-annonces de bandes-annonces. Non, mais les bandes-annonces qui disent... Ouais. Je donne un exemple, CD Projekt qui annonce Cyberpunk... Puis dans la bande-annonce, qu'est-ce que ça dit? Le jeu va être prêt quand il va être prêt. Mais Chris, qui est beau ce combat-là en CGI. C'est du rendering, donc c'est un pré-rendu. Mais par contre, eux autres, ils ont appris. Ils ont dit, hey, nous autres, au lieu de donner une date puis de promettre telle affaire, On va dire qu'il va être prêt, mais qu'il soit prêt, le jeu. Mais ça fait une couple de personnes. Ouais, ben, il va avoir autant de patchs et de choses mais que tout le monde. Mais c'est ça, mais je trouve que nous autres, par contre, puis là, je me fais avocat du diable, mais dans cette génération-là, moi, dans le temps, j'achetais une cassette de Super Nintendo, elle marchait. Elle était fonctionnelle, jouais avec, puis ça arrêtait là. Oui, il y avait des glitches, il y avait des bugs. T'as jamais soufflé dans une cassette? Ben oui, mais... OK, mais à la limite, non, là, des fois, il y avait si des... mon CD de tel jeu, le seul problème, ça serait de souffler dessus pour qu'il se fasse fonctionner. Mais avoue que tu l'as fait. Ferais. Mais on l'a fait. On mais a soufflé ce que je veux CD dire, aussi. C'est qu'on a accepté ça, puis on l'excuse maintenant. Ouais, moi, c'est des affaires de frapper au travers d'un mur ou de tirer. Tu sais, je vois GoldenEye, puis que le gars, tu le vois qui court dans la porte, puis que tu vois la moitié de son front dépasser, puis que tu le headshot de même à cause que tu l'as pogné dans la tête, à cause que sa tête dépassait du mur. C'était un bug que j'exploitais dans le temps. Mais si à cette heure. Non, mais il va serais... toujours en avoir. Oui, mais si je suis en train si de jouer, c'est pas à cette méchant heure, là, qu'on peut patch, patcher un jeu. Là. Mais c'est pas bon, méchant. Qu'on... C'est bien qu'on puisse patcher. Mais tu penses un que jeu. Les gens. Y a pas de... Les rushs sont pas si pires que ça. Il n'y a pas des rushs à ce point-là. Il y en a, oui, a parce parce que voir, y a des rushs pour en la période qui ont été. Mais check, comme Sony, là, ils avancent. Ubi, fuck off, là, on va mettre ça dans 5-6 mois. Oui, c'est cool. En avoir. Il dit, mais ces compagnies-là, je leur lève mon chapeau de dire Watch Dogs puis The Crew, je vais le sortir plus tard. Ça, c'est génial. Mais c'est parce que maintenant, les jeux, c'est pas plus le jeu de next-gen avec des dates de conception. C'est faut que ton jeu soit prêt en avril parce qu'en avril, on va faire les ventes ou faut que tu sois prêt en novembre à ce moment-là. Ouais. Puis c'est là que ces patchs-là sont prises pour acquis. Fait que tu sais, ils ont sorti des consoles. On prend l'Xbox. Il aurait peut-être dû sortir en 2006 également, mais ils l'ont sorti en 2005. Pourquoi? Pour battre Sony. Ça a marché. Sony l'ont sorti en mais 2006 ils ont battu, à ce mais moment-là. Ça a puis, tu sais, à la fin... Pendant ce temps-là, il aurait pu avoir plus de jeux. Il aurait pu avoir non, plus de jeux. Non, pendant ce jeux. Temps-là, Nintendo était en train de rire. T'as comme... T'as ben fait, ouais. Tu passes en bas-là. Mais tu sais, c'est là qu'on voit, moi, selon moi, une régression, ça a été ça. Ça a été le fait c'est que prendre le consommateur pour acquis puis dire, mon produit est peut-être pas nécessairement fini puis aussi... peaufiné qu'avant, mais je vais le déployer quand même, puis je vais le vendre pareil. Selon moi, c'est une régression, ça. Ouais. Y a-t-il d'autres exemples de régression que vous avez, vous autres? Mais, ben, la régression, non, je sais pas si je m'en allais dire pourquoi que ça peut être une non, mais... évolution aussi, mais... Oui, un style de jeu que je pense qu'il n'a perdu à cause du... puis qu'il a gagné, puis c'est peut-être moi, puis qu'il trouve qu'il n'a perdu, mais les fighters. À cause du online trop facile, moi j'aimais ça dans le temps, là, être à côté de la personne, puis on joue où j'étais bien gros dedans, les stories, puis on dirait qu'à Star, j'ai tellement d'autres jeux qu'un fighter, ça m'attire. Mais le fighter, c'est plus compétitif puis, maintenant, c'est ben, un jeu c'est de ça, réflexe. Mais ça. C'est rendu de la grosse compétition, puis c'est comme niche au bout, culte ou mais t'apportes un point intéressant, tu sais, c'est... Ben, c'est un jeu qui est... C'est une amélioration, puis c'est une innovation, le jeu en ligne, parce que maintenant, les gens qui avaient peut-être pas leur ami... ils peuvent jouer en ligne. Mais c'est une régression sociale aussi, le fait que... Il n'y a ben, plus de jeu avant, de tout le monde ensemble. Mes chums venaient salon, chez là. Nous, puis on jouait dans le salon, puis on avait du fun, pasteur. Ah, j'ai pas besoin de me déplacer, on va juste se connecter ensemble, puis à la limite, regarde, je vais te muter, puis ah, non, j'ai pas... Puis tu le vois, tout le monde autour de la table a fait ça. Non, j'ai pas mon headset de brancher. Non, c'est parce que ça me tente. Tu le vois quand parler. Même du mauvais point de vue, là. Oui. Non, mais il y a. Au lieu de dire qu'on côtés. Est 4, qu'on peut jouer à GoldenEye, on peut être 16 qui est en train de faire quelque non, chose d'épique ensemble. Je le vois d'un super bon point mais de vue. Moi, c'est un bon point de vue, puis mais. Puis après ça, on se rend compte à un chalet à gagner. C'est quand console. La dernière fois que t'as pris Street Fighter 4, là, puis que t'as joué, puis que t'as trippé, puis que t'as joué en la dernière fois que j'allais au Funzo. En night, non, mais quand j'allais au Funzo. Oui, mais c'est ça. T'as joué en social, t'as pas joué chez vous tout seul dans ton salon. J'aime pas ça parce que je me fais planter trop puis c'est décourageant. En plus, online, mais j'ai repogné le trip un peu pour Mortel là, parce que je m'en vais. Je ressors mes vieux skills de ça puis moi je vais faire chier tout le monde. Là. Je vais jouer ce style jeu là, je vais aller faire des combats puis je vais être bon. Tu vas pas pogner fucking les fireballs. Arrête, non, je suis capable d'aller partout sur Mortel 2. C'est mon jeu. Mais je vais pas faire un assist fatality. Kitana. Je vais battre un dude qui connaît toutes les fatalités, je te le promets. Tu feras juste je connais, une jambette. Je fais juste des punch. Moi. Tu te penches par en bas puis tu lui donnes un coup de pied, tu sais, comme. Même pas une jambette, juste un mais petit y a pied du monde, dans mais le genou puis qui tombe à terre. C'est le plus gros buff de mortel. Là. Il y en a qui sont écœurants là, puis ils sont bons. Anyway, on dérape mais... en crise. Non, mais c'est le genre de jeu pareil. Les c'est... fighters, ils ont régressé, oui. On joue aux vieux. Ils ont pas ben c'est oui c'est ça en quelque part ils ont régressé dans en popularité c'est les shooters qui ont pris par dessus comme je vous l'ai dit tantôt dans le fond Sinon, régression, j'en vois pas vraiment. Moi, je suis un airhead un peu, je cherche pas pour trop. Je vois, tu sais, je vois pas de régression, je vois un peu comme je disais tantôt, je sais pas si on peut être rendu là d'en parler peut-être, mais les périphériques qui de cette génération-là qui ont été... Ouais, je pense à une... Mais pas une régression, une évolution. En 8 ans, là... Qui aurait dû une régression. T'as eu une couple d'années, puis après, t'as eu une explosion de choses comme Guitar Hero... Puis qui est devenu rock band, qui est devenu des micros, qui est devenu des drums, qui est devenu des jobs perdus à la longue, DJ Hero même, puis que tout ça, du jour au lendemain, c'est mort. Puis parle plus à personne de dire « Hey, check le nouveau jeu de guitare. » Il y en a une couple qui vont dire « Oh, Rocksmith, c'est hot, là. » Gars, c'est pas Guitar Hero en popularité, là. Je comprends que c'est totalement différent, que c'est d'autres choses. Mais ça, je pense qu'il y a dans chaque génération. Mais c'était quelque chose qui a explosé. Accessoire? Oui, mais c'est... Un activator, anyone? aussitôt que ça a été populaire, c'est mort en dedans de un an ou deux. Mais moi, je sais pourquoi que c'est mort. C'est à cause que... Ils ont abusé. Ouais. Parce qu'il n'y a personne autour de la table ici qui a joué à Track and Field, sautait à côté du tapis puis tu rembarquais dessus. Mais non, mais c'était pas Track and Field, il y avait une option de ça, mais il y avait un autre jeu fait pour ça. Mais le Power Glove, il n'y avait pas allé chez quelqu'un. Mais j'ai Super Scope. Super Scope, oui, mais j'ai jamais. Le Dominator au Sega Genesis. Les Punch Man, j'ai vu ça dans le catalogue bien souvent, mais j'ai jamais acheté. Je suis sûr que je l'ai highlighté une fois. Ta petite cousine, Nowhere, là, ou dans quand t'allais dans un party chez une couple C-Man de filles... C-Man au Dreamcast? T'attendais-tu à aller chez deux filles colocataires qui C-Man, ont acheté une Xbox juste pour jouer à Guitar Hero? Mais ça, ça a été justement... Il y a plein de non-gamers qui ont acheté... Ça, tu vois, non, là, j'aime pas ce mot-là. Fais attention qu'est-ce que c'est. C'est des gamers pareil. Le monde, c'est des le gens... Le monde de Wii, là. C'était mieux, là. Qui ont le les... monde de Wii. Non, mais le monde... On va les mettre dans un coin, là. C'est toi, tantôt, qui disais le monde qui joue pas à des consoles que Nintendo sont allés chercher, pis tout. Oui, mais c'est ça. Ils sont allés chercher des gens qui jouaient pas de consoles. Il y a plein de monde qui jouaient pas à des consoles, qui ont acheté des Guitar Hero, pis qui ont acheté des consoles. Je connais des gens qui ont découvert qu'ils étaient gamers. On est tous gamers. Ben oui, là, si tu le vois de même, là. Mais c'est cachant dans toi être gamer. Puis tu le sais. Mais il y a des différentes manières de gamer. Mais je connais des bonhommes de 50 ans qui ont acheté des Xbox avec Beatles Rock Band juste pour un asti jeu. Puis ça leur a coûté 500$ one shot pour tout avoir. Le gars, il est pas plus gamer. Là. Il l'a acheté pourquoi pour jouer. Pourquoi il serait pas gamer? Parce que genre. Parce qu'il joue plus à rien d'autre. Puis il joue même plus à Guitar Hero ou Beatles. Là. C'est ça, je veux dire. Il joue à la game console de la vie. Pour jouer pendant le temps des fêtes, pour un jeu de musique, je dis pas que c'est pas correct, là, c'est cool qu'il a fait Milter, ça. Il a découvert Hexic aussi, le c'était gratuit. Le pourrait jouer à ça. Hexic, j'ai joué longtemps, en plus, au début, je passais des nuits à placer mes petits diables. Et moi, tu parlais des périphériques, là. Mais il faut que je dise que les gens, ils ont dit qu'il n'y a pas eu de pack in game, là, c'était la génération X7, comme quand ils donnaient les Super Mario, tout ça. Puis ils ont fait une couple d'updates, puis ils étaient plus disponibles quand tu voulais leur downloader, parce que moi, je voulais leur downloader pour quelque chose, puis après, ils étaient plus là, fait que j'étais en crise, je me souviens. Périphériques. Tu parlais des périphériques, justement. T'sais, on DJ a eu Hero, Kinect, la Move, le DJ skate Hero, de Tony Hawk. Tony Hawk Ride. Mais, OK, quel qui était bon, quel qui était le pas bon? Le drum de Konami. Parce que Drum Revolution. Les bons, là, puis quand je dis bon, on s'entend, là. Le seul ou presque que je place là-dedans, c'était ben, okay, Guitar Hero, il a fait son temps. Le tapis de DDR, je trouve ça plus cool que la Kinect, personnellement. Lui, il était déjà populaire avant. Il était déjà populaire avant. Puis la Kinect, qui est supposément remplacé ça, est quand même la meilleure ou presque des c'est affaires. C'est le fun Kinect, dans man. Ce moi, j'aime style-là. Ça. Ouais. Moi, Kinect, là, ce que je me souviens, c'est jouer à Mass Effect 3. C'est un peu parti, là. Puis dire mes choix de dialogue. Puis, mettons, jouer tout seul chez nous avec mes écouteurs par l'air ben épais en disant « Liara Stasis ». Grant telle affaire, get for cover, cover me. Puis tu sais, je parle à mon Xbox, puis là mes bonhommes ils me protègent, mais du point de vue externe, t'as ta blonde à côté qui fait, qu'est-ce que tu crisses là? Puis pourquoi ben, tu parles à ta console? C'est pour ça que tu joues pas devant ta blonde. Il y a deux choses, tu expliques, tu joues pas en avant. Mais tu sais, ça c'est dans les bons, mais dans les mauvais là. C'est quasiment rien que ça. Le reste, quand tu penses à Tony Hawk, le skate en plastique là, qu'ils ont fait, là, que t'es dans ton salon, puis Tony, c'est Ride. Mais c'est j'ai ça? Essayé, celui-là, j'ai essayé de l'accepter. Ah, c'est n'importe quoi. J'étais pas capable. Puis rendu là, t'as tout le drum, puis la les micros de Guitar Hero, tu sais, quand ça a pris l'expansion, puis le DJ Hero, c'était. Puis je sais que vous autres, vous êtes des fans de DJ Hero, mais tu sais, c'était comme pousser ta loc. Tu sais, genre dans un sens que t'avais Guitar Hero, t'aimais la bass, puis c'était popé, c'était avec le même instrument. Là, t'es rendu que tu rajoutes du karaoké puis du drum là-dedans. Ça, le monde a pogné. Bon. Mais ça a pogné. Rock Band, en ce moment, vend encore de la toune. Il y a des new releases chaque semaine. Ouais, mais ils font pas d'argent avec ça en tant que compagnie vraiment à cause des droits d'auteur. Mais c'était Harmonix tout seul, puis je pense que Harmonix, ils font bien. Harmonix, ils se sont rachetés à cause de ben, ça. Ben, ils continuent, ils maintiennent leur jeu, là, mais pareil, il n'y a plus personne qui m'invite chez eux. Hey, on fait un party Guitar Hero. Mais moi, j'aimerais ça, là, regarde. Mais c'est quoi qu'il y avait d'autre, excuse-moi. On était dans la régression. Les non, mais en fait, des accessoires, regarde, périphériques. Ben, moi, je pense. La première caméra du Xbox, la petite affaire. La Live Vision, qui est ensuite devenue Kinect. Qui est ensuite devenue ma webcam, qui est excellente encore ce jour. PlayStation, il y avait leur caméra qui était. PlayStation Eye. Mais je le joue ça encore. En moi, fait. Ben, moi, je l'utilise juste pour Little Big Planet, pour prendre des photos de moi, pour insérer dans mes tableaux. Tu l'as de besoin pour la Move. Mais c'est ça, je m'en ai dit. Mais moi, je pense qu'il y en a un périphérique qu'on sous-estime. Non? Il y a un périphérique qu'on sous-estime puis qui a fait son arrivée avec ça, puis c'est le casque d'écoute. Ouais. Tu sais, les headsets Turtle Beach, les Astro Gaming, le monde ont commencé à acheter des casques d'écoute. Les gens, tu sais, la moyenne d'âge du gamer en 2013 est entre 18 à 35. Puis le monde sont souvent en appartement, sont souvent dans un sous-sol. Veulent pas déranger leur entourage. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à acheter des casques d'écoute. Yep. Puis on a eu des compagnies là, qui ont commencé avec rien. Puis maintenant, on peut acheter. T'as oublié de m'enseigner l'homme marié là-dedans aussi, mais continue. On peut acheter des casques d'écoute maintenant là, à 399,99. C'est du 7.1 Wi-Fi, 5 GHz, tout le kit en Dolby Pro Logic 2. Puis ça, c'est des affaires qu'on n'avait pas avant. Je suis encore le seul qui joue avec le petit Chris de casque qu'il te donne dans ton Xbox. Oui, puis okay. C'est pour ça qu'on t'entend tout croche quand on joue. Okay. je comprenais pas, là, j'étais comme... Mais moi, j'aimerais ça, là, en terminant le sujet, là. C'est quoi votre plus beau souvenir de cette 7e génération-là? C'est quoi votre pire cauchemar de cette génération-là? C'est quoi l'affaire, là, que vous allez vous en rappeler? Pis c'est quoi l'affaire que vous allez vous en rappeler pis qui vous donne encore des frissons? Y a-tu un mauvais investissement? Y a-tu quelque chose que vous avez joué, c'était tellement mauvais? Y a-tu une affaire qui vous a... Pis c'est pas obligé d'être un jeu, ça peut être une méthode, une pratique, ça peut être n'importe quoi, mais votre meilleur souvenir et votre pire cauchemar de la 7e génération. Hey boy, vas-y. Moi, je peux te dire, un de mes meilleurs, c'est un jeu... Mais c'est pas Grand Theft Online? Non, c'est Dead Rising. Ouais. Mais c'est quand que j'ai découvert puis que j'ai compris la mécanique du jeu. Parce qu'au début, je jouais à ça, je l'avais acheté, puis c'était comme un de mes jeux pour moi de console. Tu sais, j'ai acheté ma Xbox 360 parce que Dead Rising s'en venait, puis j'ai fait « Ok, il est temps que je la jette. » Pogné ça, j'étais arrivé chez nous, j'ai joué, j'ai fait « Wow, c'était carrant, tout. » Le save system, il était weird au début. J'ai trouvé ça, je comprenais pas, ben. Je trouvais ça malade, mais j'ai comme, par après, c'est qu'on va dire, je suis tombé sur le chômage pendant 2 mois. J'ai joué au jeu tous les jours pendant 2 mois. Puis c'est là que j'ai compris comment que ça fonctionnait. Puis j'avais comme une réalisation, là, puis j'ai fait comme, wow, c'est tellement plus deep que je pensais à ces jeux-là, là. Puis c'était un comme de mes plus gros moments. Puis là, tu m'as fait penser que GTA, quand j'ai pogné GTA 4, quand il est sorti, c'était un gros midnight release. Puis c'était comme un phénomène, parce qu'on était comme 200 là, devant un microplay là, à minuit. Là, tout le monde buvait son Red Bull, puis s'échangeait leur gamer tag dans la ligne d'attente pour dire « Hey, je vais être en ligne dans 15 minutes, là, puis on se plug, puis on joue tout ensemble. » Puis c'est là que je voyais le phénomène de regroupement de monde, que je suis pas tout seul qui joue à des jeux vidéo, même si c'est GTA, puis que c'est comme le McDonald's du jeu vidéo, là, en étant trop populaire, puis tout, là, mais je me disais que, waouh, là, il y a plein de monde, puis le feeling de social, genre, de parler avec le monde, c'était écœurant. Puis justement qu'après, j'étais arrivé chez nous à minuit, puis j'avais mon six-pack qui m'attendait, puis mes 2 Red Bull, puis j'ai joué jusqu'à 6h du matin en ligne avec du monde. Là, puis, j'adore quand ce que ta meilleure souvenir de cette génération ici, C'est ton lunch de GTA. Ça t'a marqué, ce lunch-là, man? Ben, c'était juste le fun. Hey, à chaque épisode, il nous parle du cinquième. Ça te surprend-tu? Non, pas du cinquième, du quatrième. Oh, mais c'est ça. Mais à chaque fois que tu nous parles de GTA, moi, ça me surprend pas. Que ça soit non, GTA 4, ton... un lunch, puis même que j'étais rendu, là, que j'achetais tous mes jeux au Midnight Lunch pendant un bout, là. J'ai Microplay Tarbonne, là. J'étais tout le temps là. Mais puis... l'engouement pendant un Midnight Lunch, j'avoue fun, que c'est cool. Ouais, mais tu sais, quand t'as un engouement pour Marvel Ultimate Alliance 2, là, on était trois. Il y avait 150 personnes qui étaient là pour NHL 2012, la même soir. Hein. Mais moi, j'étais là, puis je passais avant tout le monde. Tout le monde, comment ça que c'est lui qui passe avant? Parce que lui, il achète Marvel, puis il crisse son camp, puis après, on part dans NHL. Fait que là, on était une coupe, puis c'était juste pour le fun de l'avoir à minuit. J'étais arrivé chez nous, j'ai joué un heure, tu sais. Le... Ton pire cauchemar, Milton? On fait-tu les pires... On fait-tu les meilleurs souvenirs, tout le monde, pour faire un cauchemar après? Que moi, mon cauchemar, je m'en... Parce que sans ça, ça fait négatif. OK, fait que mon meilleur souvenir, c'est vraiment la découverte du indie gaming sur console. Ouais. Puis je triperais, moi, déjà, sur l'indie gaming sur PC. Là, pour moi, l'indie gaming, on en retourne un peu au premier jeu dans le passé où ce que t'avais deux, trois personnes qui travaillaient dessus. Puis là, maintenant, il y a les outils disponibles pour des gens de faire ça, puis j'adore ça. Puis cette génération de consoles-ci, c'était une des premières fois où tu voyais des petits studios qui sortaient des jeux en DLC pour pas trop cher. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis ils l'ont déjà fait avant sur l'Xbox. Il y avait d'autres versions dans le passé, mais ça, c'était une des premières fois que ça a pogné. Puis sur le Xbox 360, là, ben, le Indie Games Market, là, c'est peut-être une des affaires les plus cool que j'ai jamais vues. Comme gamer, là, j'adore jouer des jeux de des gens comme à poche qu'ils peuvent être. Là. Ça, c'est mon amour des jeux vidéo. Là. Puis ça, c'était découvrir plein de petits jeux qui sont pas les gros mainstream, mais vraiment avoir des petits jeux sur le côté. J'ai eu plein de bonnes mémoires là-dessus. T'as-tu joué à Zombie Pixels? Oui. C'était écœurant. Oh, yeah, I made a game with zombies in it. Pour les gens en plus là, qui sont passionnés du phénomène de jeux indépendants, là, allez écouter le documentaire Indie Game the Movie. Ça, j'ai écouté ça là, en première. C'est incroyable. Il parce n'est que, pas sur Netflix en passant. Je ben, juste c'est te dire vraiment demain. Triste. Il va être sur Steam, il va être sur indiegamethemovie.com, il va être sur un paquet d'endroits. Honnêtement, là, allez écouter ça, c'est le fun. Ils suivent Phil Fish qui a réussi à créer Fez, le gars que j'ai oublié son nom qui a fait Braid, les gens qui ont fait Super Meat Boy. Puis c'est de voir à quel point c'est monsieur, madame, tout le monde, mais qui ont une passion à ce moment-là pour pouvoir faire leur jeu. Tu sais. Puis ça montre un peu le derrière, comment ça se passe pour le indie gaming. Parce que c'est des gens que, veut pas, leur vie, là, c'est vraiment de faire ce jeu-là pour nous. Là. Oui. Puis t'apportes un point, Eric, là. Puis ça, selon moi, là, dans une des innovations de la septième génération, l'accessibilité du jeu indépendant, là, ça, c'est incroyable. L'accessibilité distribuée. Mais c'est la distribution numérique, ouais, beaucoup qui a aidé, là. Parce qu'au début, même, sur le premier, ben pas le premier, mais le premier market du Xbox, t'avais pas accès à aucun jeu complet, non. Là. C'était juste des petits jeux arcade, puis... 3 ans, 4 ans plus tard après, que Games on Demand est arrivé. Mais ça a été cool que, oui, c'est la distribution en ligne, mais tu sais, il aurait pu décider de... Ben, juste EA, Ubisoft, les gros studios distribuent, mais ils ont fait, non, monsieur, madame, tout le monde, on vous donne une porte d'entrée quand même. Il y a quelque chose, je pense à ça, que je sais pas si ça considère régression encore, là, mais le backwards compatibility... Mais ça a bien commencé avec Sony. Ça a bien commencé au début. La rétrocompatibilité, là, ça a bien commencé. Puis, il me semble que ça a chié assez vite, si on peut dire. Excusez l'expression. Pour les Xbox, ils se sont rendus compte que ça coûtait autant d'argent pour le recoder, pour que ça marche, qu'ils faisaient sur la vente du jeu. Peut-être, là, je sais pas. Tout va avec l'offre et la demande. Mais pas pour le recoder, juste pour mettre ton CD d'Xbox dans l'Xbox. Non, mais il fallait au début. Il y a de quoi. Non, regarde, je suis pas technique. Puis ça serait cool si quelqu'un me l'explique, là, mais il y avait de quoi que le Xbox, au niveau software, pouvait pas faire fallait le jeu qu'il partir. Recode le jeu au complet pour le faire adapter. Puis ça, moi, je l'ai vécu en point de vente quand c'est sorti. Puis c'était le chiant. Mais en même mon temps... jeu va-tu marcher? Lui, oui, mais lui, non. Ouais, il y avait puis, des listes ça sur Internet. Ça prend un disque dur. Début, puis chapeau fin, à Sony, puis... eux. Sony, puis je dirais oui, mais écoute, c'était une GameCube. C'est ça, la GameCube camouflée. Là. Mais la PS3, là, ils ont fait de quoi de très cool, eux autres, quand ça venait à ça. Moi, j'ai. C'est quoi qu'on. Ben, c'était juste la 60 gigs, je pense, qu'il voulait jouer. Le rétrocompatibilité là-dessus était the best. Parce que ça, moi, je jouais à ça, puis j'aimais que toute ma collection de PS1 et PS2. C'est juste dommage qu'elle ait pris le bord assez vite, par exemple, pour des raisons de coût. Mais c'est pour ça un peu que mis, ça, ils ont mis le chip du PS2 là-dedans. Là. Puis ils l'ont tout enlevé en train de, super vite d'enlever ça pour les prochaines générations. Ouais, mais à la limite, là, honnêtement, là, t'as déjà ta console. Moi, je suis totalement d'accord. Ça je me d'accord, dérange pas. Mais moi, en tout cas, pour Sony, là, c'était un gros point vendeur. C'est juste pour la. Je pense souvent, c'est juste pour la transition, dans le sens que le premier 2-3 mois, là, que t'es comme oui j'ai une Xbox 360 mais genre j'ai un jeu puis une fois que t'as joué ton 8 heures de Dead Rising 3 là, mais tu veux moi, peut-être passer à d'autres choses. Ma collection juste... de PS2 c'est mon chéri là, ouais. J'en ai PS2 ouais. PS1 mais c'est tu ma... reviens-tu à tous les jours ah oui en fait mais ben là non parce que j'ai faut que je suis dans le marché pour m'acheter wow mais je suis dans le marché pour m'acheter une PS2 mais ma PS3 qui était rétrocompatible elle fonctionne plus ouais. Non, moi, c'est bien simple. Mon meilleur souvenir de cette génération-là, ça a été... J'ai pas beaucoup de jeux que j'ai fait. Honnêtement, il y en a que j'ai pas fait pantoute. Je suis passé à côté, j'ai essayé. Mais le peu de jeux que j'ai fait, par contre... Gars... BioShock, quand j'ai joué avec, là, le revirement de situation avec BioShock, le premier, c'est incroyable. Tu parles? Le premier, ouais. j'ai des bons souvenirs. Mass Effect, le Star Wars de notre génération... Puis ce qui est cool, puis j'ai aucunement honte de dire le Star Wars de notre génération parce que l'histoire, l'univers, la profondeur de ce jeu-là, ça a été incroyable. BioWare, là, ça a été un des studios qui, pour moi, dans cette génération-là, avec Dragon Age, avec Mass Effect, ils ont pris des histoires incroyables. Mm-hmm. Ils m'ont fait vivre un paquet de d'émotions avec leur jeu. Puis c'est vraiment bien... Regarde, je pense que c'est l'attachement émotionnel dans certains jeux, je te dirais, dans cette génération-là. C'est que, oui, OK, avec Final Fantasy VII, quand Aeris... pis de la merde, gars, spoilers, t'as pas fait Final Fantasy VII en 2013. Je sais pas t'étais où, là, t'étais en dessous d'une roche, là, mais regarde, Aeris, elle meurt. Oh. Pis, ça, c'était venu me chercher, pis je m'en rappelle dans le temps, j'étais comme... Mais pour bien des gens, c'était la première fois qu'ils expérimentaient un personnage principal qui meurt c'est comme ça. Il y en avait d'autres avant, mais ça, c'était la première fois que les gens... Puis pour moi, j'avais pas beaucoup de lecture dans le temps. Maintenant, je lis des livres, puis je suis habitué. Puis... Mais quand j'étais plus jeune, puis je jouais à Final Fantasy VII, puis Aeris, ça crève, tu fais comme « Oh my God! » C'est incroyable, c'est nouveau, c'est jamais arrivé. C'est arrivé dans d'autres jeux avant, là. Mais ça, c'était comme un nouveau médium. Mais je trouve que la 7e génération a amené un attachement dans certains jeux. Faites BioShock. BioShock, là, ben, ça, revient un ça peu, m'a sacré une claque d'en face quand que l'histoire se revient de bord. Puis je veux pas le spoiler tellement que c'est bon parce que je paierais présentement, là, mettons à soir, là, quelqu'un qui a jamais joué à BioShock, là, qui arrive au bout, l'histoire change devant moi pour que je puisse voir sa face, sa réaction. Ok, c'est ça que j'avais de l'air, tu sais. Puis je trouve ça cool, l'attachement émotionnel, les nouvelles histoires. Ça revient histoires, à ce que tu disais tantôt de l'histoire qui est tellement plus développée, ben qui s'est rendu comme au niveau cinématographique de racontage d'histoire. Des armes de caméra de film. C'est ça, la façon qui t'amène ça, c'est pas tous les jeux nécessairement. Ils font beaucoup de parallèles. Mais en général, tout le monde a step up le game sur l'histoire de comment compter l'histoire et comment amener ça. Puis dans le build-up d'une histoire, souvent, ben t'as la création de personnage. Ouais. Qui, s'il est pas, si tu t'attaches pas à lui, pourquoi tu le joues, tu sais? Puis un peu pour ça que c'est la mode ces temps-ci de mettre des petits-enfants dans les jeux, là, comme ça, Last of Us, genre, là, tu t'attaches à la petite fille, tu dis, oh, je veux pas qu'elle meure. Puis Walking Dead, même maudite affaire, là. Mais c'est là que je trouve que. Puis, tu sais, regarde, t'as parlé de Walking Dead, t'as parlé de Last of Us, le Telltale, là, je parle. T'as eu plein... Mais c'est ça, mais t'as plusieurs types de jeux. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que tout ça se passe dans le fait que l'histoire a évolué. Puis moi, je compare ça, là. Puis honnêtement, quand j'étais jeune, c'était les livres dont vous êtes les héros. Je disais ça, puis va à page 24, va à page 24. C'était tes choix, ton goût, ta manière de faire les choses. Mais Skyrim, puis tout, c'est carrément, je trouve, c'est carrément ça, mais en jeu. Skyrim, je suis tombé sur le cul en jouant à ça. J'ai fait, mais voyons donc, ça n'a pas de sens, c'est beau ça. Moi, j'ai plus aimé Fallout parce que c'est pas médiéval fantastique. Mais ça, c'est moi. Mais ça a été mon coup de cœur, mes beaux souvenirs de cette génération-là. Moi, là, je suis curieux de savoir c'est quoi vos cauchemars de la génération. Qu'est-ce qui vous laisse un goût amer? Qu'est-ce qu'on souhaite que ça soit réglé? Là? Moi, je vais commencer. Vas-y. Les installations. Ouais. Je veux oui, on peut installer les installations du jeu sur la console. Il y avait la console sur la TV. Te souviens-tu la BD de Devil May Cry de Penny Arcade qui disait ben écoute, 20 minutes, c'est pas long, tu sais. Ah, oui, pendant oui, que t'installes Devil May Cry, regarde, 20 minutes, tu peux te faire une sandwich. Tu peux aller t'ouvrir une bière. C'était pour Metal Gear, ça c'était, en fait, si je me trompe pas, c'est une joke de Sony. C'est ça, mais il niaisait Sony avec ça, tu sais, puis il disait, gars, voyons, 20 minutes, c'est pas si pire, tu peux te faire une sandwich, tu peux t'ouvrir une bière, puis... Ben, il y a ça, puis il y a les updates avant de jouer en ligne. Puis je dis ça juste d'un point de vue d'un gars que son temps de gaming, des fois, il est géré entre le 45 minutes qui reste avant qu'il ait la job, puis il y a rien de plus fucking débosant que dire, je m'en vais me ramasser, je sais pas, une ronde de whatever jeu, puis... Tu peux pas embarquer tout de suite. Tu peux pas embarquer tout de suite. Ça, j'ai pas aimé ça. Je vais pas chier sur la console en particulier qui faisait ça. Non. Mais ça m'a toujours frustré, ça. Ben moi, c'est quelque chose que je dirais aussi, Sony, de mon côté. Je jouais pas souvent avec ma PS3 parce que je trouvais que les jeux étaient pas attirants, personnellement, pour moi. Mais là, OK, là, puis... des jeux. Non, mais pour en toi, général, personnellement, puis, oui. Puis quand j'avais le choix entre le même jeu sur les deux, j'achetais au Xbox pour parce que j'ai plus d'amis. Mais ouais, ça, c'est... Fait que je finissais par jouer moins souvent avec ma PS3, puis à toutes les fois que j'arrivais pour je vais jouer avec quelqu'un à mon jeu qui est exclusif sur la PS3 comme Warhawk que je tripais bien raide, mais j'arrive puis faut que je fasse un update de 15 minutes là, tu le finis, si, y en a deux autres, tu sais, c'est je te comprends, ouais, tu m'as compris là-dessus. Ça, j'ai pas aimé ça, mais au niveau des cauchemars, y a pas de... Tu sais, je suis pas le gars qui va chercher pour des vis cachées quand ça vient surtout à des jeux vidéo. Ouais. Parce que peu importe les cauchemars qui m'arrivent avec une console, je vais juste aller à l'autre ou je vais trouver d'autres choses à faire. Je vais pas. Ils ont tous le point faible, le point fort. Toi, Melter, ton cauchemar de cette génération aussi? Je te dirais un peu comme Eric pour la PS3, surtout les updates interminablement longs que j'ai l'impression qu'ils sont 100 fois plus longs sur ma PS3 que sur la Xbox. Puis. Pourtant, ils sont une à côté de l'autre, plugués sur le même routeur, même Internet. Aucune idée pourquoi, mais en tout cas. Puis sinon, pour la Xbox, les Red Ring of Death, je me souviens, ça m'avait fait chier quand que j'étais dans des... Quand que j'étais dans mes gros trips de jouer, puis là, d'appeler Xbox, qui était un enfer total au téléphone avec eux autres dans le temps, ils finissent par t'envoyer une boîte, la boîte, tu le mets dedans, c'est tout affranchi, mais tu sais, ça prend tout 2-3 semaines, là, puis... T'es un mois et demi sans console, t'es chez vous, tu te ronges les ongles, c'est comme joint par-dessus joint après l'autre pour te calmer en appartement. Je regardais mon coloc puis qui jouait lui à sa Xbox parce qu'il n'avait une qui fonctionnait. Fait que tu sais, j'ai vu tout Oblivion, c'est ça? Oblivion, c'était sur Xbox. Mon coloc, il avait une game d'un personnage, je pense qu'il avait comme 183 heures sur le jeu, sur un bonhomme, mais ça, c'était son deuxième bonhomme, parce qu'il avait un autre de genre 197 heures avant qu'il a dit « Hey, je vais en repartir un nouveau. » Lui, puis, il l'a rentabilisé, son 60 piastres. Bon, ce coloc-là, qui travaille chez Ubisoft à cette heure, qui fait toutes les Assassin's Creed puis ces affaires-là, dans le temps, il a acheté Oblivion une semaine avant d'acheter son Xbox. Quand le jeu il est sorti, il a fait comme « Ok, il est temps que j'achète mon Xbox. » Puis il a acheté le jeu, mais là, il cherchait après un Xbox. Fait que je me souviens, il était descendu de Terrebonne jusqu'au Forum de Montréal où il y avait le Future Shop, où il en restait une, qu'il avait fait réserver au téléphone pendant une tempête de neige, aller chercher sa Xbox pour revenir le soir pour plugger ça puis partir Oblivion. Wow. Si c'est ce qui explique les grosses ventes du Xbox 360. Oui. Fait que les temps d'installation, les temps d'update... Les Red Ring of Death, là, puis temps d'installation, pour moi, c'était la grosse merde. Moi, j'ai un cauchemar que ça m'a tapé ses nerfs, cette génération-là, puis... Sam Fisher, il est mort dans Mass Effect 2? Sam Fisher, c'est Splinter Cell. Je pense qu'il a fait exprès. Non, Sam, c'est des affaires sérieuses, les gars. Sam Fisher est mort dans Paperboy en 84. Mais lance un journal à droite. La vraie chose qui m'a tapé ses nerfs, moi, c'est les maudits codes en ligne. Tu veux dire pour jouer en ligne ou pour débloquer de quoi? Pour jouer en ligne. Ok, ouais, ça, je suis d'accord. Okay. Ça, là, ça m'a tapé ses nerfs. Mais je m'ai pas fait fou, je m'ai pas fait avoir dans ce cercle-là, dans le sens que j'ai toujours acheté mes jeux nerds la plupart du temps. Ouais. Fait que, ok, oui, je rajoute mais le code. Mais sais-tu pourquoi, moi, ça m'a tapé ses nerfs? Parce que moi, j'aimais ça, dans le temps, louer un jeu avant de l'acheter. Tu sais, j'aimais ça, prendre le jeu, louer. Je passe une fin de semaine. Il est cool, le jeu. Ah, j'ai du fun avec. Ok, je vais aller l'acheter après, puis il n'y a pas de trouble. Je te donne un exemple. Des jeux comme Homefront de THQ, que j'étais comme, hey, ça a l'air vraiment cool. Puis, ah, je peux pas aller jouer en ligne. Ah, je peux jouer en ligne, mais pas passer le niveau 5. Ah, je peux pas. Ça m'a tapé ses nerfs, ça. L'histoire de code en ligne, là. Puis je comprends, regarde, ok. Les jeux usagés, on est des studios, c'est triste, on fait pas une scène dessus, puis tu te le quittes. Non, on fait pas plus de scènes. On fait pas plus de scènes, puis c'est drette ça qui m'a tapé ses nerfs. Ouais. Ça a été vraiment, ben, faut qu'on trouve un moyen, nous autres, de faire de l'argent avec ça. Ben, c'est correct, mais pendant ce temps-là, là, il y a un paquet de monde qui découvre pas vos franchises, qui découvre pas des nouveaux jeux. Je donne un exemple, là. Puis chapeau à EA d'avoir fait ça dans le temps. Puis EA, c'est les pires. Ils ont mis des codes en ligne sur tout. Ils l'ont, hein. Activision, ils ont fait Call of Duty. Nous autres, il n'y aura jamais de codes en ligne. Tu vas jouer, puis that's it, that's all. Puis EA, un moment donné, ils ont essayé avec Syndicate. Ils ont fait ça, on ne mettra pas de codes en ligne parce que. Puis c'était les pas gens juste une forme de co-op, ça, au début. Puis c'était juste du co-op. Puis j'ai eu tellement de fun avec Syndicate. Puis c'est un jeu que moi, je l'attendais comme un fou. Puis quand j'ai vu que c'était EA, j'ai fait ah, personne va vouloir jouer codes. En ligne avec moi. Il y a des codes. Personne ne va acheter ça, Syndicate. Il n'y a personne qui va prendre un guess à 60-70$. Puis il y a du monde qui l'ont pris usagé et qui ont pu jouer avec moi. Il y a du monde qui l'ont loué, qui ont pu jouer avec moi. Puis qui l'ont acheté leur jeu après. Puis je suis content justement que dans la prochaine génération de consoles, ces jeux, ces codes en ligne-là, ils ont pris le bord. Ouais, parce que ben, tout le monde va falloir qu'il paye pour jouer en ligne. Ben, tout le monde va payer pour jouer en ligne. Puis à la limite, ça, ça ne me dérange pas de payer pour jouer en ligne. Sauf que d'un autre côté. Si j'achète un jeu puis je le passe à un de mes chums, je veux qu'il puisse l'essayer dans sa totalité. Je veux. Puis ça, j'ai trouvé ça très ingrat de leur part de mettre des codes en ligne comme ça. Fait que ça, c'était mon pire cauchemar de cette génération-là. Le code en ligne, j'ai trouvé ça ingrat de leur part. Surtout quand ils ont des ventes records, ils ont un paquet d'affaires de même. Je trouve que c'était rire du consommateur, pas à peu près. Là. C'est quoi vos attentes sur la prochaine génération, vous autres? Moi, l'intégration. L'intégration du en ligne avec les... Moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est vraiment être en train de jouer un jeu puis que quelqu'un... Je vais pouvoir jouer en ligne avec d'autres gens qui sont sur leur tablette, qui sont en train de gosser sur des choses comme ça. Ça, ça m'intéresse. Cross-platforming. Ça, le cross-platforming, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et aussi, le cloud que tu vas voir un petit peu plus d'emphase dessus. Personnellement, au niveau du Xbox, pour moi, j'aime le j'aime qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça. Tu sais, quand tu es en train de dire que chaque jeu va avoir des serveurs dédiés à faire aux compagnies qui font le jeu, des choses comme ça, j'ai hâte de voir quand ça va marcher pour le matchmaking, etc. Ça, c'est mes grosses attentes. Puis à part de ça, juste des bons crises de jeu sur toutes les consoles. C'est d'autres qu'on veut. Hein. Moi, ben, être franc avec toi, là, mes côtés attentes, là, je ne sais juste pas à quoi m'attendre. Autre que le même genre de jeu qu'on a là, mais crissement mieux fait. Genre, puis je suis pas un gars de graphique ou de quoi, là, mais je m'attends juste à ce que... Je sais pas par où qu'ils peuvent aller plus. Moi, j'ai vu, il y a des bons tech démos avec le Assassin's Creed qui donnent des idées de des nouvelles techniques qu'ils vont pouvoir utiliser. J'ai pis pas c'est bien beau. Vu à date, là. T'sais, mais c'est des beaux ajouts. Ben, ils grimpent d'une belle façon. Genre, comme je l'ai dit une fois, moi, personnellement, je suis pas le gros connaisseur quand ça vient à le background de tout ça. Mais dans Assassin's Creed, genre, les gouttelettes d'eau qui sont toutes renderées. Fait que tu vois l'eau qui tombe comme elle devrait tomber. Mais toi, tu parles de côté visuel. Côté visuel, moi, je parle plus côté gameplay. T'sais, un FPS va rester un FPS puis tu m'amèneras pas ça. Ouais, mais il y a eu un step entre dans les dernières générations, t'avais pas d'FPS au Super NES puis je pense qu'il y a pas eu de step depuis Quake. C'est ça en quelque part là, c'est pour ça que je me dis peux-tu avoir quelque chose de plus autre que juste la beauté puis l'intégration des tablettes? Ben, je pense que au niveau du gameplay, ben, oui, mais je sais juste pas où que ça va aller avec ça. Tu sais, c'est le gameplay, en tout cas, en gros, moi, je vois ça comme ça va être juste plus beau, puis... Il va toujours... Moi, je pense que le gameplay, ça, on va en avoir beaucoup de niveaux. J'ai hâte d'être surpris. Moi aussi. Je suis sûr que je vais être surpris, mais mon imagination s'arrête là. Je suis un peu comme toi là-dessus, Milter. C'est qu'on dirait que je sais pas à quoi m'attendre la prochaine génération. Puis c'est la première fois dans ma vie que je trouve qu'elle arrive peut-être un peu trop vite. Je trouve qu'il est temps c'est qu'on ait des nouvelles consoles. C'est la plus longue, mais je pense qu'elle aurait pu faire 10 ans trop vite. On aurait pu faire 10 ans, effectivement, puis je trouve qu'elle arrive vite. C'est la première fois de ma vie que je suis pas excité de nouvelle génération de consoles. C'est plus, je vois ça comme j'ai besoin de mettre à jour mon ordinateur. Moi, je suis excité. Je vais aller m'acheter un nouveau processeur, puis tu le quittes. Je le sais que je vais pouvoir jouer à des jeux écœurants, mais je les vois pas, ces jeux-là. Je vois pas qu'est-ce qui arrive. Je vois pas. Puis on dirait. Ça m'emballe pas mais tant ça. Que ça va être la même affaire, mais plus beau. Ben, c'est t'sais, ça. Prends n'importe quoi, j'essaie de... C'est comme, je viens de mettre mon ordi à jour, là, puis je rejoue à mes mêmes vieux jeux, puis ils sont plus beaux, mais c'est le même jeu. Prends Watch Dogs, c'est un nouveau skin d'Assassin's Creed, Step Up, mixé avec Splinter Cell, là. Mais c'est quoi le gameplay de plus que ça t'amène? Pour l'instant, je ne sais pas. C'est l'histoire, c'est la narrative, à quelque part, ben, aussi, qui est important. Ben, ça revient à ce qu'André dit depuis tantôt. Le Step Up, c'était l'histoire. Là, ils peuvent-tu encore plus te monter ça comme... Ça va être encore plus l'immersion, hot qu'un là, film. C'est une immersion, mais je me fie beaucoup vient, à BioWare pour voir qu'est-ce que la prochaine génération au niveau de l'histoire, de au niveau de raconter niveau de l'histoire. Puis tu sais, on a vu les panels à Comic-Con. Mais moi, c'est le gameplay vraiment qui est plus que l'histoire qui que faut... Genre l'évolution en quelque part. Parce que toutes les périphériques qu'on a nommées tantôt qui sont nés et morts dans cette génération-là, c'est quoi qu'ils vont essayer avec ceux-là? Ils ont vu là, que le mouvement, le monde s'en fout un peu. C'est parti, fait que... Ça va être quoi? Oculus Rift? Oculus Rift va peut-être être quelque chose qui va nous aider. Un masque? Non, mais que tu peux voir virtuellement ça, dans ça un jeu. Ça va-tu être ça, là, qu'ils vont essayer d'amener? Leur technologie t'sais? HD, là. Peux-tu jouer Heretic dessus, aussi? Probablement. Explique. Hérétique, ouais. Hérétique ou Exen. Exen. Moi, je jouerais ça avec... Raven Software. Ça serait cool jouer ça avec un masque virtuel, je sais pas, dans un café en 99. Mais c'est rendu là, parce que c'est la... On s'entend qu'ils ont fait plein d'autres affaires. Qu'est-ce qui peut être mieux pour la prochaine génération, autre que ça, sont rendus là, là? C'est ce qu'on va découvrir et c'est ce qu'on vous invite à partager avec nous. Envoyez-nous vos impressions. Qu'est-ce que vous attendez d'une nouvelle génération de consoles? Envoyez ça au @geekcollectif sur Twitter ou sinon, venez juste nous écrire sur la page Facebook. C'est bien simple. Salut, moi c'est Georges de Saint-Georges-de-Beauce. Et je pense que la Wii a gagné cette génération parce que la Xbox est poche. Partagez vos moments avec nous, les meilleurs souvenirs, les pires déceptions. Venez interagir avec nous, c'est sûr et certain. Cette semaine, on a de quoi de spécial à partager avec vous. À partir de lundi le 21, donc vous écoutez cet épisode du podcast, on est lundi le 21, là vous écoutez ça, vous l'avez téléchargé par iTunes parce que vous êtes abonné, vous êtes allé sur le marché iTunes, vous avez fait Geek Collectif, c'est vraiment bon. Vous nous avez Milter, donné 5 étoiles. Milter, il parle ça, vous nous avez donné 5 étoiles, vous avez dit « Votre podcast, il est cool, moi je vous donne 5 étoiles, fait que ça augmente notre cote. » Puis ensuite, vous vous dirigez bel et bien sur notre page Facebook parce que vous dites « Je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec le collectif. » Paf! Vous arrivez sur la page Facebook du collectif, puis c'est là que vous découvrez qu'il y a un concours! Oh! Oui! Oui, un concours! Et cette fois-ci, le concours est une gracieuseté de Jack of All Trades Clothing. C'est eux autres qui font des t-shirts de super-héros que je porte tout le temps. Là. Ils font les t-shirts de super-héros qui sont hautement confortables. Oui, oui. Et hautement jeunes. Très doux. Sont très doux, sont abordables, la coupe est bonne. Puis qu'est-ce qui arrive avec Jack of All Trades Clothing et Geek Collectif? C'est qu'on vous offre la chance de gagner 100$. 100$. Ça doit être 3-4 t-shirts. Ça, c'est à peu près 15 euros. Donc 15 euros, 100$ canadiens. 100$, c'est 100$, t-shirts. C'est au moins 4 t-shirts. 4, peut-être 5, oui. Ou en tout cas, 4 t-shirts à 20$. 4 ouais. t-shirts à 20$. On vous offre la chance de gagner 100$. Jack of All Trains vous offre la chance de gagner 100$ d'achat en ligne sur leur site web. C'est simple, vous allez avoir tous les détails sur la page Facebook du collectif. Vous avez juste à arriver là-bas. Likez la page du collectif, on s'en va sur le concours, on like Jack of All Trades Clothing et dans 2 semaines, on va tirer le gagnant de 100$ d'achat sur Jack of All Trades Clothing. Mais ce n'est pas tout. Oh, tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Même moi, je n'étais pas au courant, c'est quoi? Dès maintenant, donc vous écoutez cet épisode-là, on est lundi le 21 octobre. Si, présentement, vous écoutez l'épisode du Geek Collectif, puis vous avez besoin d'un t-shirt également, puis vous vous dites, ben moi, je suis pas capable d'attendre de gagner 100$ chez Jack of All Trades. Ce qu'on vous offre, c'est que pour les prochains 48 heures, donc lundi le 21, mardi le 22, Vous vous présentez sur le site de Jack of All Trades et vous utilisez le code GEEK10OFF1021. GEEK10OFF1021. Vous allez avoir 10% de rabais sur vos achats pour les prochaines 48 heures. Donc, on vous invite à aller participer au concours. Nous suivre sur la page Facebook, facebook.com/geekcollectiflepodcast. Sur Twitter, au @geekcollectif. Mon nom, c'est André Paquette. Vous pouvez me suivre via Twitter au @uzumakiqc ou sinon sur Facebook avec mon nom, Milter. Zombie Milter, mon nom sur Facebook. Excellent. Eric? Montréalien, un peu sur Twitter, Facebook, Eric aussi. Ou Price, 1387 en Battle.net. Excellent. Donc, merci d'être avec nous semaine après semaine. Donc, on vous invite à aller visiter jackofalltradesclothing.com pour utiliser le coupon GEEK10OFF1021. Puis sinon, allez sur notre page Facebook pour participer au concours. Nous sommes le Geek Collectif. On se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. À la prochaine. Ciao.